barre des sciences. Chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Alors, il fait chaud et vous êtes fatigué parce que vous êtes allé au Salon du Bourget toute la journée, probablement. Et bien, vous êtes au bon endroit parce qu'ici, il ne fait pas si chaud. Et puis surtout, ça va être absolument passionnant. On va parler de Taranis. Vous êtes au courant, je le suppose. Xavier aussi est au courant. Et en général, c'est lui qui lance nos soirées. Et alors là, ça a déjà commencé, là. Waouh, on est dans un film, je ne sais pas, c'est les Avengers, là. Je ne sais pas où tu nous emmènes. Universal, CNES, Walt Disney, Pictures, Bar des Sciences, Paramount présente Christophe Bastien-Thiry dans le rôle de Taranis. Jean-Louis Pinson, bien aidé par des effets spéciaux de tout dernier cri dans le rôle des Flash Célestes. Un film animé par Paul Debrême. Le son Raphaël Vassiliev. À la musique, John Xavier Ferrand Williams. Ne manquez pas. Ce soir, le mardi 18 juin 2019, en avant-première exclusivité mondiale, Taranis et le mystère des flashs célestes. Ah, il fallait ça. Bravo Xavier. Quelques applaudissements pour Xavier, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est vrai qu'on va parler de choses absolument spectaculaires sur lesquelles on pourrait faire un film entier. Parce que figurez-vous qu'au-dessus de nos têtes, pendant les orages, se déroulent des phénomènes d'une ampleur absolument extraordinaire, parfois des centaines de kilomètres carrés, d'une beauté et d'une étrangeté à couper le souffle. Extraordinairement nombreux. Ils sont extraordinairement nombreux. Il y en a des millions par année, au moins, et ils sont restés inconnus jusqu'à tout récemment. On ne les connaissait pas il y a encore quelques décennies. Ce sont les TLE, les Transient Luminous Events, les phénomènes lumineux transitoires. Ils ont donc lieu au-dessus des orages et on les a découverts assez récemment seulement. Et à la fin de ce mardi d'espace, vous saurez tout sur les sprites, sur les elfes, sur les jets bleus, sur les démarreurs bleus et bien sûr sur Taranis. Alors Taranis, c'est évidemment le dieu du ciel et le dieu de l'orage celte, mais c'est surtout pour ce qui nous occupe ce soir, un satellite du CNES qui va étudier tous ces phénomènes. Alors on va en parler bien sûr avec vous, je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir s'il vous plaît, c'est Christophe Bastien-Thiry et Jean-Louis Pinson. Alors Christophe Bastien-Thiry et Jean-Louis Pinson, est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes, vous présenter s'il vous plaît? Alors donc Christophe Bastien-Thiry, je suis donc agent au CNES et depuis bientôt 14 ans chef de projet de cette mission donc qui est élaborée en ce qu'on appelle en maîtrise d'œuvre interne au CNES avec les différents laboratoires du CNRS. Dont Jean-Louis donc, est un des représentants. Donc les scientifiques développent les instruments et nous offrons le segment spatial, le satellite, le segment sol, tout le système pour faire en sorte que cette mission puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors vous êtes donc le chef de projet Taranis au CNES, hein, vous avez suivi cette étude, ce programme depuis le début, hein, c'était dès 2005 ou 2010? Alors, les premières études 2005, auxquelles hein. J'ai participé, c'était 2005. Ah oui. Il y avait eu des premières très courtes études en 2001-2002, mais bon, c'était très léger. Pas encore grand-chose. Okay. Pas grand-chose. Et donc, on décolle dans un an. Hein. Voilà, alors on va voir ça, on va en parler. Le lancement donc, est prévu l'an prochain de la base de Kourou à partir d'un lanceur Vega. D'un lanceur Vega. Et puis, donc, Jean-Louis Pinson. Bon, bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Jean-Louis Pinson. Voilà, je suis chercheur CNRS au LPC2E. C'est le laboratoire de physique chimie de l'environnement et de l'espace. C'est à Orléans. Et on est venu nous chercher, en fait, parce que moi, je suis un spécialiste de la... Au départ, je suis un spécialiste de la mesure des... dans les plasmas spatiaux du proche environnement terrestre. Je suis les plasmas spatiaux du proche environnement terrestre. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est les plasmas, c'est ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Pour faire simple, vous avez un solide, c'est le premier état. Vous le chauffez, il devient liquide. c'est le deuxième état. Vous le chauffez encore un peu plus, il devient gazeux. Et puis vous continuez de le chauffer, et vous le chauffez tellement fort que les collisions vont finir par arracher les électrons, séparer les électrons et les charges positives et négatives. Et donc vous avez un gaz de particules chargées. Et ce quatrième état de la matière, c'est en fait l'état le plus commun dans l'univers. Ça représente 99% de la matière dans l'univers. Et donc, quand on travaille dans l'espace, c'est une physique des plasmas spatiaux qu'on a besoin de... Alors ça, c'est votre spécialité et ça n'a strictement rien à voir, ça n'a rien avec à voir. Le sujet de ce soir. Ça a à voir en ce sens que les décharges... Ah, quand même. C'est, ah, on va parler d'électricité quand même ce voilà, soir, on va parler évidemment. Alors, je commençais en disant des phénomènes, là, les TLE, des phénomènes d'une ampleur époustouflante, parfois des centaines de kilomètres carrés. Oui, tout à fait, oui. Des centaines de kilomètres carrés et aussi des puissances assez considérables, puisque c'est des centaines de mégawatts qui sont déposées. Des centaines de mégawatts. Oui. Alors, pour donner. Alors, c'est des centaines de mégawatts qui sont délivrés en un instant, évidemment. Voilà, très peu de temps. On pourra discuter de ça et s'il y a des questions, mais en fait, en termes d'énergie utilisable, c'est très peu de choses, en fait. Oui, parce que la quantité globale d'énergie, mais c'est en très peu de temps, cette quantité, voilà, c'est bouffée extraordinairement c'est puissante. Donc. Parfois, ce sont des phénomènes qui, si on pouvait les mesurer au sol, ça ferait vraiment des centaines de kilomètres carrés pour certains d'entre eux. Hein. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, les orages que vous apercevez, eh ben, ils ont quelques kilomètres de longueur. Et là, les phénomènes dont on va vous parler ce soir, que ce soit les jets géants ou choses comme ça, ou les sprites, on parle en dizaines de kilomètres, voire jusqu'à une centaine de kilomètres. Donc, c'est des... en distance, simplement en extension verticale, et puis vous pouvez avoir des extensions horizontales qui peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres carrés, donc c'est considérable. Oui, c'est ça. En extension, ça peut être 50, 70 kilomètres d'altitude. Ça peut aller, oui, ça peut aller même jusqu'à 100 kilomètres d'altitude. 100 kilomètres d'altitude. Ouais. D'accord. Et alors, il faut nous raconter cette histoire, parce que si vous avez regardé un petit peu le petit livret là, qu'on vous a mis sur vos tables, vous avez vu un petit peu ces phénomènes, c'est absolument étonnant, mais il faut raconter l'histoire quand même. Ces phénomènes-là dont on va parler ce soir, il y a encore quelques décennies, on ne les connaissait pas, on ne les avait pas réellement identifiés. Voilà, tout à fait. C'est complètement, je dirais, récent. En fait, ça a été découvert par hasard. Comme bien souvent en physique, en fait, les phénomènes intéressants sont découverts par hasard. Il y avait une équipe américaine dans le Minnesota qui travaillait au développement d'une caméra pour une fusée sonde. C'est des fusées qu'on envoie à haute latitude et c'est pour étudier l'ionosphère, les aurores boréales, les choses comme ça. Donc, ils avaient besoin d'une caméra très sensible et très rapide pour pouvoir étudier ces phénomènes. Donc, ils développaient cette caméra dans leur laboratoire et ils avaient besoin de la tester avant de la mettre à bord de cette fusée. Et donc, ils sont sortis un soir sur une colline pour viser une étoile particulière qui avait une brillance qui correspondait aux caractéristiques de leur caméra. Et donc, ils ont voulu tester cette caméra le soir. Donc, ils sont partis le soir. Ils ont visé cette étoile. Et il se trouvait que ce soir-là, il y avait un orage. En dessous, au niveau dans l'horizon, au-dessous de cette étoile. Ça ne les gênait pas pour prendre leur prise de vue, donc ils ont pris leur prise de vue, et ils n'ont rien vu de particulier, ils sont simplement rentrés au laboratoire, et c'est quand ils ont développé les photos au laboratoire qu'ils se sont aperçus qu'ils voyaient bien leur étoile, mais qu'au-dessus de l'étoile, entre l'orage et la caméra, il y avait des espèces d'étranges phénomènes lumineux qui apparaissaient. Et donc ils ont fait un papier en 91 pour alerter la communauté en disant « Il se passe quelque chose au-dessus des orages, on ne sait pas du tout ce que c'est, que les spécialistes à regarder ce qui se passe. » Et ça a été le début d'une succession de découvertes qui sont étalées pendant plusieurs dizaines d'années. Alors là, c'est intéressant parce que donc, ce sont des personnes, une caméra, ils voient le phénomène et ils se disent, ce phénomène, on n'a pas la berlue, c'est vraiment quelque chose, ouais, qu'on a filmé, c'est un phénomène physique qu'on a filmé. Ils auraient pu se dire, je ne sais pas, il y avait peut-être d'autres possibilités, d'autres, je ne sais pas, un problème sur la caméra, que sais-je. Oui, non, mais là, ils étaient tellement, tellement sûrs de leurs résultats, puisque quand même, c'était donc... C'était quand même la première évidence, la première preuve matérielle que c'était vraiment un phénomène qui apparaissait. Alors, on parle de pilotes aussi, de pilotes d'avions, parce que les pilotes, quand on est à 10 km d'altitude, on n'est pas au-dessus des nuages, mais certains avions vont quand même au-dessus des nuages d'orage. Non, mais même les pilotes d'avions, quand ils sont déjà à 10 km, ils peuvent voir les orages au loin, ah oui, et donc ils peuvent voir au-dessus des nuages. Ah oui, ils peuvent voir au-dessus des nuages, c'est vrai. Les langues se sont déliées ensuite, suite à ces découvertes, une fois que ça a été publié en disant qu'il se passe quelque chose. Les pilotes ont dit oui, nous aussi, il nous semblait bien qu'on avait vu des phénomènes comme ça apparaître, mais on n'osait pas en parler. Attendez, qu'est-ce que cette histoire ? Les pilotes ont vu ce genre de phénomène, oui. Et vous dites qu'ils n'en ont pas parlé ? Eh ben, c'est-à-dire qu'à cette époque, vous savez, c'était suite après la guerre, il y avait aussi toutes ces histoires d'ovnis qu'on observait. Il y avait tout un tas de commentaires des pilotes qui affirmaient avoir vu des petits phénomènes. Et pour certains d'entre eux, ça leur a... Il y a des pilotes qui ont carrément affirmé avoir été suivis par des soucoupes volantes, etc. Hein. Mais il y a eu beaucoup de répétitions de ce genre de phénomène-là. Et certains pilotes ont eu des problèmes avec leur licence pour le faire renouveler. Et donc, il y avait une autocensure ensuite dans le milieu des pilotes pour ces phénomènes-là. Tant qu'ils ne pouvaient rien prouver, rien affirmer, ils en parlaient beaucoup entre eux, mais ils préféraient plutôt ne pas trop ébruiter le sujet. D'accord, les pilotes préféraient ne pas trop en parler. Donc, on est dans les années 80, on commence à en parler. Et alors, quelle est la suite de l'histoire ? Eh bien, il y a des gens qui se sont dit, tiens, il y a quelque chose à regarder. Donc, ils ont développé leur propre caméra ultra rapide et sensible et ils sont partis faire des observations le soir au-dessus des orages pour voir ce qui se passait. Et là, ils ont commencé à avoir phénomène après phénomène. C'est qui ces gens ? C'est différentes équipes à travers le monde. Là, après, ça s'est multiplié sur tout un tas de... C'était typiquement des gens qui étaient des spécialistes de la physique des orages, qui développaient des caméras ultra rapides et qui sont commencés à tester au-dessus des orages. Alors, Christophe Bastien-Thierry, vous êtes au CNES et c'est une mission CNES, quasiment purement CNES. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le CNES se dit « c'est des phénomènes passionnants, étonnants évidemment, mais on va quand même mettre 100 millions d'euros sur la table pour aller les... » Alors, on ne les a pas tout de suite mis. Oui, pour investiguer ces phénomènes quand même. En fait, ça fait partie d'un processus de sélection de missions scientifiques. Hein. Le CNES donc, est là aussi pour offrir à la communauté scientifique française ou internationale des outils pour aller faire justement de la science. Et là, ça rentrait dans une catégorie de missions, des missions donc dites sur microsatellite. Hein, on le verra, le satellite Tarny, c'est un satellite qui fait moins de 200 kilos. Et donc, à ce moment-là, on fait des appels à idées. Les scientifiques répondent. Donc, il y a le CEA d'AM, là, avec Thomas Farge, qui est un représentant, qui est là, avec Elisabeth Blanc. Ils ont proposé aussi donc cette mission. Et après, ça rentre dans un processus de sélection. Il y a un comité de programme scientifique qui est une entité qui accompagne la direction du CNES pour aider à sélectionner, prioriser tous ces projets, parce que c'est difficile de comparer telle mission avec telle autre. Hein, c'est pas... Là, c'était contre qui, vous vous souvenez ? Contre qui était cette mission ? Oui, on peut se souvenir de choses, mais c'est pas la peine de remuer le passé. Ah ouais, on va pas remuer le couteau dans la plaie, c'est ça ? C'est pas la peine, non. mais voilà, ça a été un processus assez lent, puisque, je vous l'ai dit, ça a commencé en 2005, et la décision finale n'a été prise que fin 2010. Donc, entre-temps, il faut trouver les coopérations, retrouver les laboratoires. Jean-Luc Masson disait qu'on est allé chercher le LPC2E, parce qu'effectivement, au départ, c'était... Son laboratoire, le LPC2E, voilà, au départ, c'était le CEA DAM qui avait lancé l'idée. CEA DAM, donc c'est le CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique. Hein, Et DAM, alors le D, je ne sais plus si c'est direction ou délégation... C'est direction des affaires militaires. Des affaires militaires. Alors, c'est ça qui était étonnant quand même, c'est que c'est la direction des affaires militaires qui s'intéresse à ce genre de sujet. Quel est le lien entre le militaire et le... Alors, je ne sais pas si je peux en parler. On ne peut pas en parler, non. Ah ben, ça y est, c'est trop tard, là. On a commencé, là. Il faut y aller, là. Enfin, bon, il s'intéresse à tout ce qui est phénomène nucléaire. Et on peut dire que bon, celui-ci s'apparente, on le verra dans la discussion... une accélération de particules, donc c'est assez comparable. Donc tout ce qui touche à ça les intéresse, et donc ils ont cherché à en savoir plus. Oui, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé que des phénomènes lumineux, mais au même moment, on s'est aperçu aussi que les orages pouvaient se comporter comme des accélérateurs de particules, et donc ils pouvaient émettre des bouffées de rayonnement gamma. Et je crois que ça perturbe beaucoup les militaires, puisqu'ils ont des moyens de surveillance en permanence, des moyens satellites pour surveiller éventuellement s'il y a des tests nucléaires dans l'atmosphère. Donc les explosions nucléaires dégagent beaucoup de gamma et de X. Voilà, exactement. Et donc là, on a des rayonnements gamma et d'X. Mais alors, ça veut dire qu'avec les moyens dont on disposait, on n'avait pas réussi à détecter les rayonnements gamma et les rayonnements X qui se produisaient au-dessus des nuages d'orage ? Alors, on n'a pas de retour des militaires là-dessus, mais je subodore qu'à mon avis, ils avaient dû probablement déjà voir quelque chose, mais... On n'était pas dans le secret des dieux, quoi. Ah, d'accord. Vous n'y étiez pas, mais eux y étaient. D'accord. J'imagine que... Le secret de Taranis. Pardon ? Le secret des dieux comme Taranis. Eh oui, le secret des dieux comme Taranis, évidemment. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu la première page, là ? Regardons la page de couverture de votre petit livret. On va regarder déjà la page de couverture. Donc, c'est un satellite qui fait moins de 200 kilos, c'est ça ? Voilà. Monsieur Bastien-Thierry, Christophe Bastien-Thierry. Oui, voilà, c'est dans la gamme des microsatellites, donc moins de 200 kilos. on va dire, c'est un gros congélateur. Hein, ça fait à peu près 1,50 m sur 80 cm de large. Mais avec les antennes déployées, on va atteindre 8 mètres d'envergure. Le panneau solaire aussi, etc. Donc c'est quand même un bel objet. Et l'ambition de cette mission, c'est d'arriver à faire fonctionner ensemble, on le verra, quasiment 8 instruments scientifiques qui couvrent toute la gamme des observables, des phénomènes physiques qui nous intéressent. Donc c'est un petit bijou, hein, c'est très dense. Tout est compliqué quand c'est petit, finalement. Aussi bien les aspects thermiques, mécaniques, électromagnétiques, etc. Donc c'est un défi qui a occupé beaucoup de personnes à Toulouse pour l'ingénierie de ce satellite. Hein. Donc sans compter tous les personnels dans les laboratoires pour les instruments scientifiques, mais ne serait-ce que pour l'ingénierie donc, du satellite et du segment sol et le système, il y a plus de 200 personnes qui, à Toulouse, y ont travaillé au moins une année de leur temps dessus. 200 personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est un petit bijou, effectivement, Jean-Louis Pinson ? Ah oui, oui, je crois qu'on va revenir là-dessus. Ça a vraiment été un défi. C'est le moment. Hein. D'accord, oui. Il ne faut pas dire en permanence qu'on va y revenir. On y est, ça y est, on a commencé, alors il faut y aller. Donc, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme... Alors, on a dit que ça faisait 200 kilos, mais ce qu'il faut bien avoir, les dimensions, c'est à peu près 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, c'est-à-dire que vous avez la plateforme, là où on va mettre tous nos instruments qui regardent la Terre, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Alors, 1 mètre sur 1 mètre, c'est pas grand-chose, hein. Et il a fallu qu'on mette sur cette plateforme-là des instruments optiques, des détecteurs de particules, un détecteur gamma et des détecteurs aussi électromagnétiques. Normalement, quand on fait un satellite, on met soit des détecteurs optiques, soit des détecteurs électromagnétiques, soit des détecteurs de particules. On ne met pas tout ensemble. Là, on mettait tout ensemble sur un tout petit volume. Donc, il y a des contraintes qui ont tendance à s'exclure les uns les autres. Donc, au niveau réalisation, faire coller tous ces instruments sur un petit endroit restreint comme ça et qui ne se gênent pas les uns les autres et qu'on conserve les performances attendues, c'est vraiment un travail extraordinaire. On peut avoir des perturbations d'un instrument sur l'autre ? Oui, bien sûr. De quel ordre ? Électromagnétique, thermique Quand on a des optiques, par exemple, quand on a des instruments optiques, il ne faut pas qu'il y ait de réflexion parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des réflexions du soleil sur un instrument qui vienne... Il ne faut pas aussi qu'il y ait des dépôts, dans l'espace, il peut y avoir des dépôts, des particules qui sont émises par certains, c'est ce qu'on appelle des dégazages, qui sont en voie et qui se déposent sur les optiques. Ah, qu'est-ce qui dégaze ? Qu'est-ce qui produit du gaz, là ? Tout dégaze. Enfin, tous les matériaux, une fois dans l'espace, dans l'ultra-vide, dégazent, que ce soit de l'eau, des gaz, des composants, des cols. Des gaz du verbe dégazer, hein, D-E-G-G-A-Z-E-R. Voilà. Oui, d'accord, dégaze, il faut se comprendre. Ouais. Et donc, en fait, tous les instruments, toutes les couvertures thermiques auront été au préalable au sol, dégazées, c'est-à-dire mises dans des cuves à vide et que l'on chauffe pour faire sortir toutes les particules qui devraient normalement partir une fois en orbite. Donc ça, c'est un des exemples des contraintes qu'on doit respecter pour éviter, pour gagner les performances attendues. Voilà, donc ça, c'est simplement un jeu de contraintes. Et puis, vous avez aussi toute l'électronique embarquée qui émet des ondes aussi électromagnétiques. Et il ne faut pas qu'elles saturent nos instruments autour. Donc ça suppose des contraintes sur la façon de réaliser l'électromagnétique des instruments, mais aussi l'électromagnétisme de la plateforme. Donc il y a tout un tas de règles supplémentaires qui rendent beaucoup plus compliquée la réalisation de ce satellite. Alors, est-ce qu'on entrerait ensemble dans la description de tous ces phénomènes-là ? On peut aller page 2, peut-être ? Vous savez, avant d'aller page 2 et de voir toute la famille, commençons directement par les elfes. Ou les Red Sprite, d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez ? Ah, les elfes, allez, hop. Les elfes. Page 4, un elfe. Ouais, les elfes. Alors, on a l'impression d'un gigantesque anneau. Voilà, c'est exactement ça. C'est un anneau. Alors là, c'est une photo, c'est un anneau en expansion. Alors, c'est le phénomène qui se trouve à plus haute altitude qui a été identifié. C'est celui qui se produit à la frontière avec l'ionosphère, la haute atmosphère, donc vers 100 km d'altitude. Hein. Donc, ça se présente sous la forme d'un anneau en expansion très rapide. Et le phénomène dure typiquement une milliseconde. Donc, vous voyez, on ne peut pas du tout le voir. Une milliseconde. Voilà, typiquement, l'ordre de grandeur de ce phénomène-là, c'est une milliseconde. Et ça se produit systématiquement au-dessus des orages lorsqu'il y a un éclair assez fort. Il y a des contraintes sur... Enfin, il faut, pour qu'il soit visible, cet anneau, il faut qu'il y ait un éclair qui aille du sommet du nuage vers le sol. Donc là, on peut imaginer que juste avant que cet anneau se soit produit, la page 4, il y avait un éclair qui est descendu du centre de cet anneau ? Non, qui est descendu du sommet du nuage vers du nuage d'orage, oui, bien plus basse altitude. Il faut qu'il y ait cet éclair qui produise entre le sommet du nuage vers le sol, on appelle ça un positive cloud to ground, ouais. Un éclair assez puissant, et dans ces cas-là, il produit un anneau lumineux à hauteur qui est bien au-dessus. Qui, lui, est à 100 km. L'orage est à quelle altitude? Alors, le sommet du nuage d'orage à nos altitudes, c'est typiquement 12 km. Ça peut 12 km. Voilà. Donc, c'est bien au-dessus. Bien au-dessus, bien au-dessus, bien au-dessus. Alors, prenez bien le... Oui, on ne voit pas l'orage. Là, on ne voit pas l'orage, parce qu'il est derrière l'horizon. Qui est... Voilà, il est bien au-dessous. Ah oui, il est derrière l'horizon, effectivement. Tout à fait. Hein. Donc ouais. Ça, c'est très, très haut, en fait. Ça alors, va... ce phénomène-là, est-ce qu'on pourrait le voir à l'œil nu? Bah, une milliseconde, c'est complètement impossible. C'est impossible. C'est trop rapide. D'accord. Voilà. Non, ça, vraiment, il n'y a pas de possibilité. C'est en dehors. Il faut vraiment des instruments dédiés en sensibilité et puis en rapidité pour pouvoir identifier ces phénomènes-là. D'accord. Donc, quel diamètre, là, typiquement, pour un elfe comme ça? Ah ben, comme il est en expansion, il peut atteindre des dimensions considérables. Hein, mais typiquement, là où il y a le maximum d'énergie, chose, c'est quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres d'extension. Quelques centaines de kilomètres. Voilà. Et ensuite, c'est de plus en plus évanescent, donc vous avez de plus en plus de difficultés. Mais il se propage beaucoup plus loin. Il se propage beaucoup plus loin. D'accord. Et là, il est composé de quoi? Qu'est-ce qui est lumineux alors, comme ça? On peut vous donner le mécanisme un petit peu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris. On ne connaît pas tous les mécanismes. Hein. Alors, pas tous les, ouais, il y a certains phénomènes où c'est encore du domaine de la recherche. Par contre, pour les elfes, c'est quelque chose qu'on a assez bien compris. Hein. C'est vraiment quelque chose, on a une théorie qui explique bien. Donc, je vous ai parlé de cet éclair qui se produit entre le sommet du nuage, enfin, entre deux, même pas forcément le sommet du nuage, un éclair assez important qui eh ben, ça fait une impulsion électromagnétique. En fait, ça, c'est comme quand il y a une décharge. Je ne sais pas, pour ceux qui ont eu des anciens postes dans leur voiture, lorsqu'il y avait un éclair, il y avait des parasites dans les... Ah oui. Des choses comme ça. Et donc là, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un éclair, eh ben, il y a une impulsion électromagnétique, il y a une onde cylindrique qui est émise à partir, et qui part à partir du nuage d'orage. Dans l'atmosphère, il n'y a pas de problème. C'est une atmosphère neutre, donc l'onde se propage sans rien faire. Mais elle se propage aussi jusqu'au niveau de l'ionosphère. Et l'ionosphère, il y a des particules chargées, il y a des électrons. Et donc ces électrons... Ça s'appelle l'ionosphère parce qu'il y a des ions. Hein, voilà, exactement, des ions et des particules électrons. Chargées. Voilà. Et les électrons vont être chauffés par cette onde électromagnétique. Et en se chauffant, ils vont collisionner les atomes d'azote qui se trouvent à elle. Et ils vont les exciter, les faire passer dans un état excité. Et ces atomes d'azote, en se désexcitant, vont émettre cette lumière rouge. Donc, ce sont les atomes d'azote. Voilà. Les électrons sont chauffés, qui excitent les atomes d'azote, et en désexcitant ces atomes d'azote, ils émettent une lumière rouge. Et donc, ce qu'on voit, c'est cette trace de l'onde électromagnétique qui se propage. C'est un traceur de l'onde électromagnétique qui se propage. Donc, vous voyez, le mécanisme est très général. Ça veut dire qu'a priori, n'importe quel éclair devrait produire ce phénomène-là. Mais il n'y a que les éclairs les plus puissants qui sont suffisamment énergétiques pour que la lumière soit visible avec nos instruments. Et donc, un phénomène comme ça, il faut avoir une caméra un peu rapide pour... Il faut avoir des instruments rapides et puis sensibles aussi dans ce type d'émission pour pouvoir le voir. D'accord. Un soir d'été, il y a 25 ans, dans ma cabane du Minnesota... Avec nos potes, on était trop contents d'utiliser notre caméra. On voulait juste filmer un peu le ciel, buvant nos 7-Up à la paille. Quel étonnement, mais la surprise est belle, nous vîmes là-haut un magnifique Red Sprite. Exactement ça. Ah ben c'est vrai, le Sprite d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire en anglais, Sprite. Bah, Sprite, ça veut dire esprit. Hein, c'est... Et donc ça a été découvert, en fait, c'est le premier qui a été découvert. Le Red Sprite. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Oh, bah, ils sont à peu près tous Red. Hein. Il y a la couleur, c'est la couleur qu'ils émettent. Hein, mais... La couleur des Sprites, oui, on les appelle des Red Sprites parce qu'ils sont rouges, hein, de toute façon, voilà, en général, les Sprites. Ouais. Donc ça, c'est le premier, c'est celui dont je vous ai parlé, qui a été découvert par l'équipe du Minnesota. Et je vous ai dit qu'ensuite, à la suite de ça, on en a envoyé... Tout le monde est parti à la chasse aux phénomènes lumineux. Et donc, on a découvert quelques années plus tard les elfes, et puis aussi les jets géants, les blue jets, et ainsi de suite. Donc, on a trouvé tout un tas de phénomènes différents qui se produisent dans toutes les altitudes possibles, entre le sommet des nuages, c'est-à-dire vers 12 km jusqu'à 100 km, avec des formes complètement différentes, puisqu'on a des anneaux en expansion, les elfes, les sprites, qui sont ces espèces de carottes bizarres qui sont... De carottes. Bah, ils ont une forme un peu de carotte. Ah, de carotte, d'accord. D'ailleurs, il y en a certains qu'on appelle des carottes sprites. Ah oui. C'est vrai que... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est, quelle page, là? Ça, c'est la c'est page 6. C'est vrai qu'ils ont. C'est un petit peu la forme de carotte, la page 6. C'est voilà, vrai. On voit un peu le. Avec les fans. Voilà, les fans. Il y a les carottes et les fans, d'accord. Est-ce qu'on regarderait la page 2, là, justement, pour voir un petit peu tout le bestiaire. On a fait un... La page 2, elle illustre bien... On a fait bien. Un focus sur les elfes. Voilà, elle illustre bien la situation à la fin des années 2000. C'est-à-dire que... Ah bon oui, parce que... C'était il y a 20 ans, ça. Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Ah non, maintenant, c'est toujours. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Depuis les années 2000, on a... Voilà. On a réalisé un dessin comme celui-là. Milieu des années 2000, on était passé de ce qui... Il faut savoir que le domaine de l'électricité atmosphérique et spatiale, avant les années 90, il faut que vous enleviez toute l'image, vous gardez uniquement la partie éclair qui est en bas, ces petits phénomènes en noir et blanc là que vous avez. Alors, c'est les orages. Donc ce qu'on voit en bas, là, tout en bas, hein, au niveau, c'est écrit troposphère, voilà, et à droite de troposphère. Entre 0 et 15 km d'altitude. On voit les deux orages, hein, finalement. Voilà, ils sont blancs et on voit les éclairs. Donc voilà. On connaissait ça, voilà. Ce qui se passait jusqu'à 12 km d'altitude. Voilà, c'est ça. Et entre la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, eh ben, on a découvert tout un tas de phénomènes. On a découvert tout le reste. Voilà, et notre domaine d'étude s'est transformé de ce qu'il y avait avant à ça. Wow. Donc vous voyez que ça a été une révolution complète. Ah, c'est vrai. Révolution. Une révolution complète, et vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il fallait un satellite pour trouver ces choses-là. Eh bien, tout d'abord, au tout début, on pensait que ces phénomènes étaient marginaux, et donc peut-être que ça ne valait pas le coup de dépenser des centaines de millions pour aller voir ces trucs-là. Mais au milieu des années 2000, on savait à ce moment-là qu'en fait, non, c'était des phénomènes qui étaient extrêmement fréquents, et qu'on ne pouvait plus faire l'impasse de dire quels étaient leurs impacts sur la physique et la chimie de la haute atmosphère. Donc il devenait nécessaire d'en savoir plus sur ces phénomènes-là, parce que vraiment, il y avait des impacts sociétaux derrière. Il y a des impacts sociétaux, on y reviendra peut-être. Est-ce que vous pouvez donc commenter cette page 2 alors, Bon, alors donc vous avez... On en est les elfes. Présentez-nous la famille, là. Tout en haut, ben, vous avez les elfes à 100 km d'altitude, hein, on en a déjà parlé un petit peu. Entre 50 et 80 km d'altitude, vous avez toute la famille des sprites, avec des halos, des red sprites dont vous avez parlé. Entre... La surface des nuages, juste au-dessus des nuages, c'est-à-dire vers 12 km jusqu'à une cinquantaine de kilomètres, vous avez ce qu'on appelle des blue jets. On les voit à droite, là, enfin au centre, voilà, à droite, oui. Et puis alors, vous avez le seigneur des phénomènes lumineux, ce qu'on appelle le jet géant. Le jet géant. Voilà, qui commence... Alors on le voit au centre, là, voilà, le jet géant. Voilà, il est au centre, puisque c'est un peu le roi des, bien des sûr. Phénomènes. Il commence au sommet des nuages d'orage. Il ressemble un peu à un blue jet, mais il continue. Voilà, il continue, il finit par ressembler un peu à un sprite, voilà. À haute altitude. Mais simplement, il est continu, il va de 12 km d'altitude jusqu'à 100 km d'altitude. Donc c'est vraiment un phénomène énorme. Et c'est non seulement un phénomène énorme, mais c'est aussi un phénomène qui peut durer dans le temps. Autant les autres phénomènes que vous avez là peuvent durer, voire 1 milliseconde, voire 10 millisecondes pour les plus longs. Mais pour les giant jets, on peut aller jusqu'à la seconde, presque, ou la deuxième. Jusqu'à la seconde. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont visibles à l'œil nu. Ça, c'est visible à l'œil nu. Alors, je vois quelqu'un qui n'avait pas de petit livret, c'est très dommage, hein, parce que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas suivre. Alors, si vous n'en avez pas, dites-le nous, hein, parce qu'on en a encore. Hein. Alors, des jets géants, vous avez encore d'autres images. Attendez, parce qu'on va continuer, parce que restons sur la page 2. Oui. Parce que, par exemple, on voit le halo et l'elfe. Alors, quel est le lien entre le halo et l'elfe? Alors, entre l'elfe, avec l'elfe, il n'y a pas forcément de rapport. Par contre, le halo peut être lié au sprite, par exemple. Ah, le halo peut être lié au sprite. Oui, typiquement, un sprite, généralement, il commence comme un halo. Et puis, il peut y avoir une petite instabilité dans ce halo et qui va produire ce... Généralement, hein, c'est pas toujours. Il peut y avoir des halos qui ne se dégénèrent pas, qui restent sous forme de halo. Et on peut avoir des sprites où on distingue très mal le halo, mais on subodore qu'il y a systématiquement un halo, mais qui est plus ou moins visible. Donc, si on revient au jet géant, on voit qu'effectivement, il est absolument géant. Puisqu'il part de quoi? De 15 km d'altitude. Et il va jusqu'à 100 km d'altitude, wow. Typiquement. Donc ça, c'est gigantesque. Ah oui, c'est gigantesque. Alors, attendez, parce que je ne comprends pas. Vous m'avez dit que c'est dans les années... Enfin, à la fin des années 80 qu'on a commencé à voir ça. C'est une équipe Minnesota, il faut une caméra. Ouais. C'est incroyable, étonnant, etc. Mais vous me dites en même temps que les jets géants... Voilà, Qui vont jusqu'à 100 km d'altitude et qui durent parfois une seconde, on devrait pouvoir les voir. Et on les voit, d'ailleurs. On a ah bah alors on les voit, mais ils sont très rares. Ah. Par rapport ah, à eux tous, sont rares, alors. Ah oui, eux, par rapport à tous les autres, c'est de loin les plus rares. Ah, d'accord. Hein. Là, on a maintenant peut-être quelques dizaines de cas d'observation, alors qu'on sait maintenant où regarder et comment les regarder. Ah oui. Et donc, c'est quand même des phénomènes les plus rares. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas pu être observé précédemment. Bien sûr. Mais j'imagine que les gens qui ont dû décrire leur expérience ont dû passer peut-être un peu pour des illuminés. Ah oui. J'imagine, parce que de toute façon, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces de ça. D'accord. On peut continuer à se promener dans ce bestiaire. Est-ce que certains voudraient discuter directement avec Christophe Bastien-Thiry ou avec Jean-Louis Pinson? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, en fait, je voulais savoir si... là, on établissait une certaine relation entre des événements. Je voulais savoir si c'était à chaque fois toujours cette succession ou si chaque événement était séparé ou si c'était éventuel. Enfin, une question toujours en cours d'étude. Savoir si chronologiquement, il y a toujours, admettons, un elfe et ensuite un red sprite. Non, pas du tout. Alors, des elfes, ce sont les phénomènes les plus courants. Hein? On pense qu'en fait, on ne voit que les plus intenses, mais c'est probablement... On peut imaginer, hein, comme je vous ai dit, vu le mécanisme, qu'à chaque fois qu'il y a un éclair, il devrait y avoir... Il y a possibilité d'avoir un elfe. Simplement, pour qu'il soit vraiment visible, il faut qu'il soit vraiment associé à un éclair assez fort, assez puissant. Mais donc ça doit être très commun. Par contre, c'est complètement découplé des autres phénomènes. Les phénomènes apparaissent de façon indépendante. Hein. C'est pas parce qu'il y a un elfe qu'il va forcément y avoir un sprite. Il peut y avoir... Ça peut être couplé, hein, on a des cas où on voit les deux à la fois, mais c'est pas systématique du tout. Tous ces phénomènes-là sont découplés les uns des autres, a priori. Ils sont découplés les uns des autres. Alors, avant qu'on continue, oui, effectivement, avant qu'on continue hein, sur ces différents phénomènes, peut-être qu'on peut aller page 3 et vous nous parliez un peu des orages, là. On a un petit focus sur les orages. Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'un orage ? Un orage, c'est une machine à produire de la... Vous savez, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un orage. Moi, j'en ai vu. Mais ça ne veut pas dire que je sais ce que c'est. Voilà. Je sais les reconnaître, mais c'est tout ce que je suis capable de faire. Typiquement, pour faire simple, hein, c'est quand on chauffe de l'air humide à basse altitude, il va pouvoir monter comme ça, parce qu'il se dilate, il va se monter, et donc il va y avoir l'humidité qui est contenue dans la masse d'air qui s'expande va pouvoir se transformer en particules de glace, il va y avoir des échanges d'énergie. De glace, hein, particules de glace. Voilà, c'est ça, tout ça, en fonction, puisqu'il va monter en altitude, et donc il va se refroidir, l'air va se refroidir, il va y avoir un phénomène de convection, l'air va redescendre, ça, rencontrer des masses d'air chaud qui remontent. Donc en fait, c'est une grande machine à laver, un orage, ouais. Avec tout un système convectif, avec des particules qui montent et qui descendent. Et ces petites particules de glace vont collisionner les unes avec les autres. Et quand elles collisionnent avec les autres, elles vont produire des charges. Donc c'est leur frottement qui produit des charges électriques. Lorsqu'il y a des collisions... C'est l'électricité statique. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous. Enfin, à mon époque, on faisait ça. C'est une expérience qu'on faisait à l'école. On avait une règle en plastique et on l'a chauffée, on l'a frottée avec son pull ou n'importe quoi. Et on arrivait à partir de ça à pouvoir attirer des petits morceaux de papier. C'est parce qu'en frottant, en fait, c'était une espèce de choc, hein, en frottant la règle en plastique, on arrivait à arracher des charges et donc à charger votre... Eh bien, en fait, un orage, il produit un petit peu ce phénomène-là par des chocs. Les particules, en collisionnant les unes avec les autres, eh bien, elles produisent et elles arrachent des charges. Et donc, c'est une machine à produire des différences, des charges électriques. Un orage, ça produit ça. Alors, j'ai des charges électriques qui sont quoi ? Négatives en haut, positives en bas, c'est ça ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Mais pour faire simple, on peut dire qu'il y a des charges positives en haut et des charges négatives en bas. D'accord. Faisons simple, voilà. Ça me convient très bien. Voilà. Donc, négatives en bas, positives en haut, et alors ? Bon, vous voyez qu'il peut y avoir des différences de potentiel importantes entre le haut et le bas. Hein. Donc, une tension électrique, on peut... Voilà, c'est ça, exactement. Une tension électrique, tout. Ouais. Et donc... Et donc, quand on fait une tension, on peut voilà, dans donc, une, quand on produit une tension électrique dans un fil, si la tension... on a l'électricité qui va transporter. La physique de la décharge dans les éclairs, dans les nuages d'orage, c'est très compliqué, hein, mais effectivement, le principe c'est ça. Vous avez donc des différences de potentiel très importantes, hein, des centaines de milliers de volts par mètre, et donc là, vous commencez à pouvoir être dans des conditions où il va pouvoir y avoir des petites décharges entre ces différentes couches de charge électrique. Et donc, ça va vous produire des éclairs. Parce que ce que j'ai appris avec vous, c'est que les éclairs, finalement, qu'est-ce que c'est que les éclairs ? Expliquez-nous ce que c'est que les éclairs. C'est des rééquilibrages de charges entre ces différentes couches chargées. Vous allez pouvoir avoir des décharges entre les deux, grosso modo, pour faire simple. C'est des décharges. Hein ? Comme un claquage, lorsque vous avez une étincelle, ça produit une décharge. Et ça produit, donc, il va pouvoir avoir un rééquilibrage des charges dans le nuage. Qui va continuer à produire des charges et en quelques secondes, en fait, il va régénérer des charges. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, que l'essentiel des éclairs, en fait, c'est pas tellement les éclairs qu'on connaît entre le nuage d'orage et le sol, mais les trois quarts des éclairs, en fait, ils sont intra-nuages, ils sont à l'intérieur des nuages. À l'intérieur du nuage. Voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est que la plupart des éclairs qu'on voit se produisent en fait à l'intérieur des nuages eux-mêmes. Voilà, on estime que les trois quarts des éclairs quarts. Qui se produisent, c'est ouais. en fait des éclairs intra-nuages. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde le ciel, on voit effectivement des éclairs se produire dans le ciel, hein, qui ne touchent pas forcément le sol. Oh là, oh là là, attention, il va pleuvoir. Ah bah voilà, ah bah voilà. J'ai bien aimé comment c'est résolu cette. Et c'était dramatique au début, puis à la fin c'était magnifique. Bravo. on est page 3. Donc chaque seconde, il y a des dizaines d'éclairs. Il faut savoir qu'à tout moment, là, quand je vous parle, il y a des centaines d'éclairs qui sont actifs. Hein. On pense que c'est entre 600 et 1000 éclairs qui sont en permanence actifs à la surface du sol. À la surface de la Terre. Et donc il y a des dizaines et des dizaines d'éclairs par seconde. On estime entre 50 et 100 éclairs par seconde. Donc tout ça y va. Alors ce qui est amusant, et que les gens ne savent pas, c'est que tous ces éclairs, en fait, ils sont reliés les uns aux autres à travers un circuit qui est à l'échelle de la Terre tout entière. Les éclairs sont reliés... Les orages sont reliés. Les orages, oui. Voilà. Sont reliés les uns aux autres. Ils font partie d'un vaste circuit qu'on appelle le circuit électrique global. D'accord. Donc il faut voir, la Terre est un conducteur, et vous imaginez un fil. L'ionosphère, c'est la partie supérieure de l'atmosphère, c'est aussi un fil. Et puis ben, vous avez la pile qui est jouée par l'ensemble de tous ces petits orages. En fait, c'est des petits générateurs donc, qui alimentent le circuit. Et puis ben, le circuit du haut, il perd son électricité dans l'atmosphère, qui est faiblement conductrice. Ça arrive dans la Terre, ça repasse dans la Terre, et tout ça, c'est alimenté par les nuages. Vous pouvez imaginer un petit circuit électrique avec les générateurs qui sont l'ensemble des orages à la surface de la Terre. Et donc, il y a comme ça, en permanence, 1 kA qui circule. Et pour vous, tout ça, c'est lié, ça fait un système global ? Eh ben oui, ça fait un système global. Ouais. Donc tous les orages, un peu, font partie de ce système global. Les charges électriques partent des nuages, vont vers le sol ou le contraire, et puis ça alimente d'autres... Ça alimente tout ça, les éclairs alimentent le même circuit, en fait, à la fin. D'accord. Donc c'est un petit peu amusant de savoir ça. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc on est page 3. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images-là, le nombre d'éclairs et puis... Voilà, donc est-ce qu'on peut voir là-dessus sur cette page 3 où on a la distribution du nombre d'éclairs par kilomètre carré et par an, hein. Donc là, ça a été fait. Et donc on peut voir qu'il y a des zones qui sont très prépondérantes pour les orages. En fait, il y a trois gros bassins, et ça va être important pour la suite, pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a trois gros bassins, c'est au niveau équatorial, c'est là où il fait le plus chaud. Et c'est au-dessus des terres, c'est là où on peut chauffer l'air le plus, parce que dans les océans, ils absorbent beaucoup la chaleur, donc ils ne permettent pas de chauffer l'air. Donc on voit que les orages sont principalement au-dessus des zones équatoriales, et puis au-dessus des continents. Et on peut avoir des zones comme en Afrique, où il peut y avoir jusqu'à 70 éclairs par kilomètre carré et par an. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Donc par rapport à nous, là, on est des petits événements. Donc ça, c'est important d'avoir à l'esprit cette zone-là, hein, puisque vous allez voir que non seulement il y a des phénomènes lumineux, mais on n'a pas parlé jusqu'à présent de ces phénomènes, il va falloir qu'on en parle, c'est qu'on a aussi ces fameux phénomènes qu'on appelle les flashs gamma terrestres, où on voit des émissions de rayonnement gamma. Alors, peut-être qu'on peut en parler après, mais je voudrais juste qu'on termine là, sur la page 3. Donc on voit qu'effectivement, il y a des zones qui sont bien plus éclairogènes, si je puis dire. Tout à fait, les principaux contributeurs, c'est les zones équatoriales. Comment ça s'explique ? Alors évidemment, c'est au tropique. Hein, c'est là où il fait le plus chaud, donc on chauffe l'air au maximum. Et si ça se produit au-dessus des continents, c'est parce que c'est là où, quand on chauffe de l'eau, par exemple, si vous à température égale, lorsque vous allez au bord de la mer, vous pouvez vous brûler les pieds si vous marchez sur le sable de la plage. Mais dès que vous rentrez dans l'eau, ça y est, vous n'avez plus de problème. Puisque l'eau diffuse la chaleur, elle répartit un peu partout. Tandis qu'au niveau du sol, vous pouvez chauffer, vous pouvez avoir des températures beaucoup plus fortes. Et donc les continents sont des endroits privilégiés pour chauffer les couches de l'atmosphère et donc amorcer les orages. D'où ce qu'on voit là-dessus. Et alors en haut à droite, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça, c'est le fonctionnement d'un orage, c'est ça ? Ça, c'était pour vous représenter le circuit électrique global dont j'ai parlé tout à l'heure. On a les orages ici, les tout qui sont symboliques. Alors ici, ça ne veut rien dire. Il faut expliquer exactement. Donc on a un petit nuage, que vous appelez un orage ici, c'est là où on voit le nuage à gauche. Hein. Voilà, qui joue le rôle de pile. Ouais. On voit plus ou moins. Plus ou moins, comme un petit générateur. Absolument. Et puis ben, vous avez la Terre qui est conductrice. Vous avez l'ionosphère qui est conductrice aussi. Donc ce sont un peu les fils de votre circuit. Et le tout est rebouclé par l'atmosphère. Donc il faut voir ce que vous appelez la boucle, ce sont les flèches rouges, hein, évidemment. Voilà, c'est le circuit classique avec l'atmosphère. Et donc il faut savoir que même par temps clair, lorsqu'il n'y a pas d'orage, au niveau du sol, vous avez un champ de 100 volts par mètre, typiquement, au niveau du sol. C'est-à-dire actuellement, par exemple, quoique c'est un petit peu orageux en ce moment. Ah oui, là, c'est orageux, là, quand même. Et donc, vous savez qu'au niveau du sol, eh ben, typiquement, vous avez toujours en permanence environ 100 volts par mètre. Ouais. Alors, M. Bastien-Thierry, Christophe Bastien-Thierry, je vous ai posé la question, mais je veux une réponse un peu plus précise, là. Pourquoi est-ce que le CNES va mettre 100 millions d'euros sur une mission comme ça? Moi, je suis passionné. C'est très bien, c'est formidable. Tout le monde ici, sans doute. Et on est très heureux que vous l'ayez fait. N'empêche que c'est une sacrée somme pour se faire... On se fait plaisir, ou on a le CEA qui s'y intéresse? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi l'idée? Par rapport à d'autres missions, c'est assez peu, hein, même si c'est beaucoup. 100 millions d'euros, c'est une petite mission. C'est une petite mission, oui. Entre guillemets. Oui. Alors, il peut y avoir des plus petites aussi, bien sûr. Hein. Alors, mais je me souviens d'autres missions... Ça marche très, très bien. Je me souviens d'autres missions, comme des petites missions du CNES, purement CNES, comme Corot, qui a notamment recherché des exoplanètes. C'était plus gros que ça, non? Oui, c'est beaucoup plus gros. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Et puis, il y avait... il y a Microscope aussi. Encore beaucoup plus gros. Ah bon? Alors, je me trompe. D'accord. Alors, on oublie. Mais ça peut être des ballons. Le CNES fournit des expériences sous ballon, donc des ballons stratosphériques. Donc là, c'est beaucoup moins. Et ça va durer beaucoup moins longtemps et on ne couvrira pas la même chose. Donc là, l'intérêt de cette mission et de cette proposition pour des missions sur microsatellites, c'est des missions un peu exploratoires, scientifiques, où le résultat n'est pas acquis. Bien parce qu'on va aller chercher des phénomènes, surtout quand on a commencé, eh bien, on n'était pas sûr, on n'avait pas la connaissance du nombre de ces phénomènes qui aujourd'hui donc, est mieux connu. Donc c'était des missions un peu exploratoires. On était prêt à prendre un certain risque, pas trop, mais voilà. Donc ces microsatellites sont... Un risque du point de vue scientifique, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà, oui. C'est-à-dire, finalement, on va investiguer un phénomène et on n'est pas sûr de réussir à l'expliquer, c'est ça? On n'est pas sûr de le capter, d'avoir suffisamment de mesures, d'avoir suffisamment de données pour faire la science. Donc, il y a toujours un petit risque qui est lié à ces missions-là. Donc, il y a eu des missions comme Déméter, qui était le premier de la série, qui était une mission pour essayer de voir si, à ces altitudes, parce que le satellite va orbiter autour de 700 km, 700 km d'altitude. Hein. Voilà, c'est une orbite dite d'observation de la Terre. Déméter devait embarquer un certain nombre d'instruments pour vérifier si une théorie, qui était qu'avant un tremblement de terre, avant un tsunami, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent être de nature électromagnétique, qui peuvent être détectés par un satellite en haute atmosphère. En haute altitude. Donc ça, c'est Déméter, la mission Déméter. C'est quand ça? C'était lancé en 2004. Donc Jean-Luc Pinson en faisait partie aussi. Et vous aussi, non? Alors, j'ai un peu participé, beaucoup moins que maintenant pour Taranis. Et voilà, donc c'était une hypothèse scientifique qui a montré qu'effectivement, de manière statistique, il y a des signes précurseurs à un tremblement de terre par rapport à la normale. Maintenant, les instruments embarqués sur cette mission Déméter n'ont pas pu, je crois, identifier quel est le signal avant-coureur qui permettrait de dire, voilà, dans 10 heures, dans 15 heures, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir un tsunami, ce qui serait une information capitale, vous comprenez tous bien. Mais voilà, c'est une mission qui a permis quand même de vérifier certaines hypothèses, même si elle n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Ah d'accord. Donc on a montré qu'effectivement, il y avait des perturbations électromagnétiques associées à l'imminence d'un tremblement de terre, mais on n'est pas capable, on ne sait pas être prédictif finalement. Aujourd'hui, hein. Mais peut-être que bientôt. Ouais, un jour peut-être. Voilà, c'est complètement statistique, c'est pas opérationnel quoi. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de mission qui rentrait dans la gamme de ces microsatellites. Voilà, tester des hypothèses. Microscope, là vous en parliez, c'est une mission qui était pour vérifier le principe d'équivalence d'Einstein. Alors c'est un peu compliqué d'en parler, mais c'est en gros pour dire que deux matériaux qui tombent dans le vide, soit une pomme ou une plume, eh bien, vont tomber à la même vitesse. Ça, c'est un fait. Hein. C'est pas intuitif, mais c'est un fait. C'est un fait. Mais par contre, il y a des scientifiques qui disent qu'à partir d'une certaine précision, ce principe d'équivalence n'est pas vrai. C'est-à-dire que la plume et la pomme ne tombent peut-être quand même pas exactement au même moment. Voilà. Einstein dit dans sa théorie que c'est la même chose, mais voilà, il y a des scientifiques, des théoriciens qui disent que peut-être que si on va plus loin que ce qu'on constate sur Terre, alors sur Terre, on est capable d'avoir une précision de 10-13. Alors, j'ai plus les ordres de grandeur, enfin 10-13, ça doit vous parler. C'est très, très peu de choses. Eh bien, avec Microscope, on voulait aller jusqu'à 10-15, c'est-à-dire 100 fois mieux, 100 fois mieux en précision. 100 fois plus de précision. Et rien que pour gagner ces deux ordres de grandeur, eh bien, le CNES était prêt, avec les scientifiques autour, à dépenser environ autour de 200 millions d'euros, ah oui, un peu plus, pour s'assurer que ce principe n'était pas violé à cette résolution. Et si ça avait été violé, eh bien, ça aurait ouvert d'autres voies de la physique. Les théoriciens se seraient engouffrés là-dedans pour dire Einstein n'avait pas raison, et moi je l'avais bien dit. Il n'avait pas parce complètement que... raison, il avait quand même avait très très raison là. Parce qu'on n'a quand même pas réussi à prendre en défaut la relativité. Non. Et pour aujourd'hui. L'instant, Microscope montre que Einstein avait raison. Avait encore raison, d'accord. Il faudra aller encore, voilà. Peut-être encore au-delà. Donc Tarani, ça fait partie de ces missions où c'était des phénomènes bien mal connus et on était prêt à mettre cet argent et ce potentiel pour aller donc explorer tous ces phénomènes qui se passent au-dessus de nos têtes et qu'on ignorait tout, dont on ignorait tout. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment la plateforme Myriad. Hein, donc peut-être sur la plateforme Myriad. Non, mais c'était vraiment ces mini-satellites. C'était vraiment l'idée, c'était d'avoir des sujets niches. C'est-à-dire pas des grands sujets phares qui sont déjà pris par les grandes agences internationales. C'était vraiment d'avoir des sujets très spécifiques. Là, je comprends. Et donc, c'était vraiment le moyen, que c'était des petits satellites, pas trop cher, et donc on pouvait se permettre de risquer quelque chose sur des sujets qui étaient moins consensuels. Alors attendez, parce que je suis inquiet, parce que vous me dites Tarani, c'est formidable, je suis convaincu, vous me dites finalement c'est pas si cher, on peut en attendre des choses intéressantes, et puis vous en parlez au passé là, vous dites la plateforme Myriad c'était, le but c'était, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la plateforme Myriad arrive en fin de vie là. Donc, d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? La plateforme, c'est en gros tout ce qui fait qu'un satellite fonctionne en orbite. C'est l'eau, le gaz, l'électricité, la radio, etc. Donc c'est tout ce qui fait que sauf les instruments scientifiques. Voilà, c'est tout sauf les instruments scientifiques. Parfois c'est corrélé, hein, dans le cas de Microscope, l'instrument était à la fois, bon, on va pas rentrer dans le détail. Non, on va pas rentrer dans le détail. Mais bon, en général, classiquement, c'est séparé. C'est en gros le bus et les instruments que l'on met dessus pour faire la fonction. Alors, si c'est de la météo, ben, ça va être les capteurs météo. Et donc, il y a des plateformes qui existent, hein, qui sont, je ne peux pas dire sur étagère, mais quasiment. Tout à fait, ouais. Sur étagère, d'accord, parfait. Ouais. Elles sont conçues, elles ont une certaine logique. Les panneaux solaires peut-être feront telle taille, sera capable de produire telle énergie, telle puissance électrique, etc. Voilà, ça a une logique. Ça permet un certain nombre de performances, de capacités, de liens entre le bord et le sol. Et voilà, donc ça permet certaines choses, pas tout, évidemment, mais et ça a une certaine durée de vie aussi, parce que le concept, les composants qu'on a choisis à l'époque n'existent plus maintenant. Donc on ne peut pas prolonger ces plateformes indéfiniment. Donc c'est typiquement la sorte durée. Ça a été conçu quand, la Myriad? Ça a été conçu à la fin des années 90. Ah oui. Et le premier Myriad à avoir été mis en orbite, donc c'est Déméter en 2004. 2004, d'accord. Voilà. Donc une plateforme, ça vit 15 ans, quelque chose? Alors, comme ça? Ça va durer à peu près une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Taranis, une fois en orbite, va durer 5 ou 6 ans, peut-être. Ah oui, ça peut aller assez loin. Ouais, ouais. Les satellites qu'on a mis en orbite avec cette plateforme ont été jusqu'à 6, 8 ans. Et on les a tous arrêtés. On les a même désorbités. Volontairement, parce que la mission scientifique était achevée. Et à ce moment-là, on ne laisse pas des satellites comme ça en vadrouille. On est maintenant obligé de faire en sorte de dégager la place et éviter de faire des débris. Donc on doit faire en sorte de concevoir le principe de redescendre en moins de 25 ans. Ça, c'est rapide. Hein. Moins de 25 ans, c'est rapide. Ça, c'est rapide, parce qu'il y a des satellites qui vont rester à l'infini. C'est l'obligation. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui voudrait discuter avec Christophe Bastien-Thierry ou avec Jean-Louis Pinson? Je viens jusqu'à vous. Du coup, elle s'adresse peut-être plutôt à Christophe Bastien-Thierry, mais pas que. Est-ce que, du coup, la France est la seule à étudier ces phénomènes aujourd'hui? Déjà, cette mission fait partie d'une mission en coopération. Donc on a des coopérants scientifiques en Europe et aux États-Unis. Donc il y a deux instituts tchèques, Il y a un institut en Pologne, il y a deux instituts aux États-Unis, un laboratoire de la NASA, l'université de Stanford. Mais au départ, on avait des Japonais. Au départ, on avait d'autres instituts américains. Et on n'est pas les seuls à s'intéresser à ça. Mais on est aujourd'hui, il y a le Danemark aussi qui a beaucoup investi. Investi dans Taranis, hein, ce sont. Alors au départ, ils étaient en coopération avec des Américains qui, malheureusement, eux, n'ont pas eu leur financement pour embarquer. Donc il devait y avoir un Taranis américain. Non, il devait y avoir un instrument fourni par les Américains. Sur Taranis. D'accord, ça j'ai compris. Et chez eux, il fallait qu'ils obtiennent leur financement. Et c'est pareil, c'était une compétition et eux n'ont pas été retenus. Bon, voilà. Alors je crois que la question quand même, c'était est-ce qu'on est les premiers, quoi? Est-ce qu'on peut pousser un petit cocorico ou pas? C'est ça la question. Je pense qu'on peut pousser un petit cocorico. Alors allez-y, poussez votre cocorico, Jean-Louis Pinson. Taranis était le premier concept. Malheureusement, on a pris du retard. Et il se trouve qu'en ce moment, sur la Station Spatiale Internationale, il y a une mission européenne qui s'appelle ASIM. Qui est comment dites-vous? ASIM, A-S-I-M. A-S-I-M. C'est une expérience qui est embarquée à bord de la Station Spatiale Internationale. Où ils ont, d'ailleurs ils se sont beaucoup inspirés de notre instrument optique, de notre instrumentation optique. On les avait invités au début de la mission, manifestement ils ont bien retenu le concept et ils ont réussi à le mettre avant nous sur la Station Spatiale Internationale. Mais il n'est pas aussi complet. Voilà, mais nous on a des choses en plus, on espère bien rapporter des informations. Mais on s'est fait doubler, il faut le reconnaître. On s'est fait doubler. On était les premiers à avoir un concept de mission spatiale viable, sérieux. Et puis, on s'est fait doubler au dernier moment. Alors, on s'est fait doubler, sauf que Monsieur Pinson, juste un mot. C'est quand même beaucoup plus simple que ce qui est mis sur la Station Spatiale Internationale. On n'est que dans l'optique. Non, ils ont aussi un détecteur gamma qu'ils ont développé spécialement. Ah, pas mal. Ils ont fait fort. Ah, c'est bien. Non. Et ce que je voulais dire, c'est que... C'est quelle nationalité, ASIM? ASIM, c'est européen. Oui. C'est donc celui qui le leader, c'est un Danois, c'est un institut au Danemark. Mais il y a des Espagnols, il y a des Norvégiens, c'est un projet européen. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça ne concerne pas que la communauté européenne. Il y a une communauté américaine très très forte, évidemment. Simplement, ils n'ont pas eu au niveau américain suffisamment de poids pour avoir des missions spatiales de la NASA. Ils n'ont pas réussi ça. Donc ils nous envient fortement, hein. Ils sont très envieux de cette capacité qu'a eu l'Europe de prévoir des projets spatiaux. Donc on est les premiers en Europe à apporter le point de vue spatial pour ces phénomènes-là. Mais on travaille beaucoup en collaboration avec eux. Il y a aussi des Japonais qui ont fait beaucoup de choses. Il y a eu des missions spatiales quand même. On n'est pas quand même les vrais proms de proms. Et il y avait un autre... Je croyais que Claudie Aigneret avait installé aussi un détecteur sur la Station Spatiale Internationale. Mais là, on est dans les années 2000, là. Alors là, oui, ça. Alors là, il faut là, on a une personne qui est directement concernée. C'est Thomas du CEA. Puis on a parlé d'Elisabeth Blanc, qui était un peu une pionnière pour le projet Taranis. C'est vraiment elle qui est à l'origine du concept de la mission. Et donc, ils avaient développé au CEA. Ils étaient vraiment très pointus au niveau des premiers sprites. Ils ont tout de suite l'idée de développer un instrument qui permettrait de mettre en évidence les sprites à partir de l'espace. Et ils avaient testé le concept à partir justement de la mission de Claude Aigneret à bord de la station spatiale. Claudie Aigneret, c'est ça. Maigneret, c'est quelqu'un d'autre. Oui, Claudie Aigneret. Et donc, oui. Et ça, c'était le CEA qui avait conçu cet instrument-là. Et ça donc, ça s'appelait CSO, c'est ça? Ou LSO? LSO. LSO, voilà, c'est ça. LSO. Et donc, c'était une mission précurseur de Taranis et pour montrer le concept de différenciation des sprites, des éclairs. Parce que vu d'en haut, les sprites, c'est finalement assez peu par rapport aux éclairs qui génèrent une lumière beaucoup plus vaste, beaucoup plus intense. Voilà. Et il faut pouvoir, par le haut, distinguer ce qui est un sprite, un elfe ou autre chose, d'un éclair. Et là, il y a des techniques... Pour ne pas être aveuglé par les éclairs. Exactement, finalement. Parce que la lumière de l'éclair est beaucoup plus puissante. Alors, comment on fait pour ne pas être aveuglé par l'éclair, pour faire la différence entre Là, c'était toute l'astuce de l'instrument développé par le CEA. C'est qu'ils ont justement été regardés dans une raie de l'atmosphère où il y a une forte absorption du rayonnement. Alors, les sprites sont émis beaucoup plus haut. Les éclairs sont émis beaucoup plus bas. Donc vous voyez que dans cette raie, comme les éclairs qui proviennent de nuages d'orage, ils ont à traverser toute l'atmosphère avant d'atteindre les satellites. Et donc ils sont énormément absorbés. Dans cette fréquence-là, toute la lumière est absorbée. Alors que les sprites qui sont émis beaucoup plus haut, à 50 à 80 km d'altitude, finalement, il y a une toute petite portion d'atmosphère à traverser. Et même si leur lumière est beaucoup plus faible, elle est beaucoup moins absorbée. Et finalement, on va pouvoir les observer. Donc, ça veut dire qu'on regarde dans une raie particulière du spectre voilà, lumineux. En fait, on ne regarde pas qu'une, on regarde plusieurs et on fait des comparaisons. Donc, il faut expliquer le spectre lumineux. On récupère donc la lumière, on a une caméra, on récupère la lumière et on est capable de découper, si je puis dire, cette lumière comme avec un prisme. Voilà, on peut sélectionner des bandes de fréquences bien particulières. Des bandes de fréquences lumineuses. Et puis on regarde ce qui se passe et on compare les unes par rapport aux autres. Et on peut comme ça faire ressortir un sprite alors qu'il était invisible. Et ça, ça a été un peu le feu vert pour la mission Taranis en disant, regardez, c'est possible, on peut le faire à partir de l'espace, on peut les identifier. Quand je vais jusqu'à ma boulangerie, vous savez, je fais ça le mercredi. Je choisis mon éclair au chocolat. Une chose étrange se produit chaque fois. Ça n'est pas la boulangère qui me sert, non, celui qui me donne mon éclair est un être bien étrange, mais pas méchant. Des forêts de Bretagne, il est migrant. Jean-Louis Pinson, sans avoir encore trop bu de l'ef, il nous a dit que quand il y a éclair, il y a un elfe. C'est vrai, il l'a dit. Merci. Merci. Bonsoir. Ma curiosité était à propos de l'occasion pendant laquelle on observe. Est-ce qu'il y a un critère selon lequel on peut allumer notre senseur et voir, ou bien on reste en attente de quelque chose, et si le cas veut, on peut observer quelque chose? Merci. Alors ça, c'était juste... Parce que le phénomène dure une milliseconde, donc on est embêté là. Voilà, ça c'était tout le problème. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire quand on envoie un satellite dans l'espace? Alors, c'était justement... Tout le problème, c'est qu'il avait fallu... On a une stratégie de la mesure. Alors, on a de l'intelligence à bord. Pour faire rapide, vous avez tout à fait raison, c'est des phénomènes extrêmement fugaces qui peuvent durer moins d'une milliseconde. Et donc, on ne peut pas simplement attendre qu'ils se produisent. Donc, concrètement, ce qu'on est en haut, on est toujours... les instruments fonctionnent en pleine résolution, en permanence. Simplement, en pleine résolution, c'est-à-dire au maximum de la résolution possible, la précision maximum. La précision maximum en permanence tout le temps. Simplement, on ne stocke pas les données, parce que la mémoire à bord est limitée. Donc si on commence à faire ça, en quelques minutes, c'est terminé, on a bloqué. Par contre, on a des systèmes qui analysent en temps réel, en permanence à bord, les données. Et quand il y en a... Alors on a plusieurs instruments qui ont ce rôle de surveillant, un peu là-haut. Et donc, il y a des algorithmes qui ont été mis en place et qui surveillent en permanence et qui analysent les données en temps réel en permanence à bord. Et dès qu'ils voient quelque chose, crac, ils disent « alerte, moi j'ai vu quelque chose », on envoie ça à un manager central qui collecte un peu les alertes de tous les instruments. Et hop, on récupère les données. Alors, on a des mémoires circulaires, donc on peut avoir un peu, on peut remonter dans le passé les données. Et on récupère rapidement d'un bloc toutes les données avant le phénomène, pendant le phénomène et après le phénomène. Et hop, et ça, on le stocke. Et on attend le suivant. Et puis donc, quand on passe au-dessus d'une antenne, on télécharge tout. La mémoire, elle serait saturée en combien de temps si on gardait tout? Si on gardait tout en permanence, en quelques minutes, c'est terminé, hein, c'est fini, quoi. Donc on a prévu en moyenne par orbite, par demi-orbite, parce que les orbites principales, ce sont les orbites de nuit. Hein, le satellite tourne autour de la Terre, donc il y a une partie de l'orbite éclairée par le Soleil, une partie de nuit en éclipse. La partie de nuit est la plus importante parce que là, on peut voir les phénomènes lumineux. Et donc, dans cette demi-orbite, on prévoit d'enregistrer jusqu'à une douzaine, 12, 13, 14 phénomènes de ce type-là. Donc, mais c'est très court, hein, c'est quelques secondes qui seront enregistrées autour de l'événement déclenché, reconnu par un des instruments, que ce soit lumineux, que ce soit des radiatifs ou autre. Donc, c'est très peu, mais ça fait comme beaucoup de données. Et comme le disait Jean-Louis, le tuyau pour descendre les données, la capacité de stockage et le tuyau pour descendre les données, le tuyau virtuel, bien sûr, hein, est assez limité et ne permet que de récupérer 13 données, mais 13 événements. Mais le but, par demi-orbite. Mais le but, c'est pas de les avoir tous, c'est d'en avoir suffisamment pour que, au sol, eh bien, les équipes de Jean-Louis et dans les autres labos aient de la donnée pour interpréter, pour comprendre, expliquer les choses. Je relativise, c'est énormément de données en fait, hein, puisqu'on a parlé de 12 événements par demi-orbite. Il faut savoir qu'il y a 14 orbites par jour, donc 28 demi-orbites. Demi-orbite, c'est 45 minutes, c'est ça? Non, c'est 100 minutes. C'est une orbite, c'est 100 minutes. Une demi-orbite, 45 minutes, c'est ça. D'accord, exactement. Okay. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura des centaines d'événements par jour. Donc, on pourra récupérer jusqu'à 4 gigaoctets de données haute résolution par jour, qui correspondront à plusieurs centaines d'événements à analyser chaque jour. Alors, plusieurs centaines chaque jour, vous voyez que pour les équipes au sol, ça fait quand même beaucoup de travail. Hein. On va plutôt crouler sous les phénomènes que plutôt avoir pas de choses à faire. Hein. Ah, plutôt crouler, d'accord. Ouais. On est dans l'optique, ça veut dire qu'on va avoir des images? Tout à fait. D'accord. On aura des images. Alors, on a des images, d'ailleurs, c'est Thomas qui est le PI de l'instrument, de toute la partie. On va aller le voir, là, parce que c'est pas possible, oui. Depuis le début. Si vous avez là, des questions pointues... Alors... Je sens une tension entre lui et nous. Alors, là, il ne faut pas s'attendre à des images, c'est pas des belles images panoramiques. Ah, on fait de la science, c'est vraiment des choses. Donc, c'est des images... au zénith, hein, on regarde par le dessus. Donc on regarde par le dessus, donc on ne va pas voir les choses... Les images, on n'aura que 10 images par seconde, hein, pour les trucs. Donc on n'aura pas... 10 images par seconde. Voilà, alors comme nos phénomènes sont beaucoup plus brefs que ça, en règle générale, c'est simplement pour savoir où il y a une tache lumineuse qui apparaît, c'est pour localiser. Ensuite, on a un autre type d'instrument, c'est des photomètres qui, eux, sont beaucoup plus rapides. Ils peuvent apprendre, on a des données tout à 20 000 données par seconde, donc là, on peut avoir des informations... Oui. Donc, photomètre, donc là, on mesure l'intensité lumineuse. C'est voilà, tout, on peut avoir dans le spectre, le photomètre ne permet pas de localiser. Donc on peut savoir simplement, pour différentes longueurs d'onde, pour différentes fréquences, on peut savoir quel est le type de lumière qui a été émise, et même comment il évolue dans le temps de façon très précise. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas où c'est. Et donc en couplant ça avec les caméras vous donnent la petite tâche, vous pouvez localiser, et puis vous avez les photomètres qui vous complètent en vous donnant l'information sur comment l'énergie varie dans les différentes fréquences. Alors, je vais aller voir Thomas du CEA, quand même. Il faut lui donner un micro, là, du coup. Bah, j'en ai un. C'est qui, alors, Thomas? C'est vous, alors? Bonjour. Je voudrais qu'on regarde une toute petite seconde notre petit livret. Là, à la toute fin, on a un écorché de la... Je vais m'en occuper. Merci beaucoup. Voilà, on a un écorché, c'est page 14. Là, je veux bien que vous m'aidiez, en revanche. Voilà, alors on voit tous les instruments, page 14, les 8 instruments. Lequel est le vôtre? Lequel est celui dont vous vous occupez? Alors, le mien s'appelle MCP, pour de manière très simple, micro-caméra et photomètre. Donc, comme l'ont dit Jean-Louis et Christophe, les caméras sont là pour localiser, et uniquement localiser, les éclairs et les sprites. Principalement les sprites, parce que les ailes sont quand même quelque chose de très très ténu, et avec un échantillonnage de 10 images par seconde, on peut difficilement voir les elfes. Et donc on utilise la méthode qui a été développée sur la station spatiale dans le cadre du vol Andromède de Claudie Ignoret, qui a été utilisée dans d'autres missions aussi, d'autres astronautes européens, puisqu'il est resté 4 ans sur la station. Donc ça, on a eu un bon retour scientifique sur ces vols habités. Et donc nous, derrière, on a développé un mécanisme de déclenchement avec les photomètres, et on a aussi utilisé des mesures qui ont été faites par des Taïwanais, avec un satellite qui s'appelle un instrument qui s'appelle Isual, et qui a pu démontrer qu'on pouvait voir les TLE, d'une manière générale, dans une partie particulière du spectre optique qu'on appelle l'UV, donc les ultraviolets, qui ne sont pas visibles du sol, en fait. L'atmosphère, la couche d'ozone, nous protège des UV. Mais ces phénomènes se produisent au-dessus de la couche d'ozone. Et ces phénomènes nous permettent de voir les sprites et de pouvoir les identifier, les séparer des éclairs. Et c'est comme ça qu'en vol, sur Taranis, on pourra dire « là, il y a un sprite et ce n'est pas un éclair ». Donc on regarde les sprites depuis l'espace, et on les regarde dans l'ultraviolet, dans cette fréquence-là, à cette fréquence-là, dans cette bande spectrale-là, et c'est là qu'on les voit et qu'on peut les distinguer des éclairs. Ouais, d'accord. Alors parlez-nous de cet instrument, donc à la fois caméra, photomètre. Vous êtes du CEA, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait que les CEA, je sais bien qu'il y a une activité scientifique très intense au CEA, dans plein de domaines, y compris dans le domaine de l'environnement, etc. Qu'est-ce qui fait... Vous aviez en fait au CEA, vous aviez cette compétence-là de la, des photomètres, de caméras capables de regarder ce genre de phénomène ? Alors, concrètement, initialement, on n'avait pas la compétence en optique. On s'est complètement mis sur le domaine. Et dans les années 2000, quand on a commencé à vraiment s'intéresser au phénomène, que Elisabeth Blanc a proposé le projet Taranis, on n'avait pas des compétences, on développe pas d'instruments optiques. Le premier qu'on ait développé, c'est LSO. Mais en fait, MCP, c'est une collaboration vraiment très proche entre le CEA, qui a plutôt conçu l'instrument, et le CNES, qui est le responsable technique de l'instrument, puisque c'est eux qui ont fait, en tant que chef de projet de l'instrument, qui a piloté les industriels français qui ont fabriqué ces deux instruments. Donc c'est vraiment quelque chose de... le nombre d'heures que j'ai passé en téléphone, parce que moi je travaille à Paris, entre Paris et Toulouse, au bout de 15 ans ça commence à faire beaucoup, voilà quoi, c'est un projet qui se fait à distance, en fait c'est quelque chose, comme on disait tout à l'heure, on parlait des orages et de l'intérêt des, pourquoi on regarde ça. Il se trouve que jusqu'à présent, notamment les instituts météorologiques comme Météo France n'intègrent pas l'information éclair dans leurs prévisions. Mais ils vont le faire. Ils ont prévu de le faire parce que notamment regarder l'activité des éclairs et comment elle évolue dans le temps, ça nous permet de savoir notamment l'activité qui se passe dans les nuages. Et plus cette activité augmente, plus on sait qu'à cet endroit-là, il va y avoir des phénomènes violents, comme la grêle ou les phénomènes associés. Et la génération qui arrive, donc on dit la troisième génération des satellites de météorologie, vont être équipés de détecteurs optiques qui vont pouvoir voir les éclairs et vont redescendre cette information en temps réel au sol. Donc on va pouvoir mieux localiser quand on a des phénomènes du type Cévenol, où il y a des très grosses inondations. Maintenant, on pourra dire... Au lieu de mettre une alerte orange ou rouge sur un département, on va pouvoir dire c'est sur cette vallée-là qu'est en train de se produire le phénomène et pas ailleurs. Et donc là, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, Taranis, à côté de ça, on va pouvoir apporter des informations encore plus précises sur chaque événement parce que les satellites de météorologie sont opérationnels. Ils n'ont pas pour objectif d'étudier un phénomène de manière scientifique. Nous, on va pouvoir dire cet événement qui a été vu par un satellite géostationnaire, on est capable d'aller plus loin et d'apporter des images et des informations plus détaillées. Merci beaucoup. Alors, on parlait du pourquoi de Taranis. Donc, Christophe Bastien-Thierry parlait de tout l'intérêt scientifique, mais il y a des intérêts pratiques alors aussi, Monsieur Pinson, Monsieur Bastien-Thierry. Il y a des intérêts maintenant, comme je disais tout à l'heure. Au début, on pensait que c'était des phénomènes assez rares, finalement, et on s'aperçoit que, finalement, ils sont partout et ils sont en quantité énorme. Donc, on ne peut plus faire... La quantité, c'est quoi ? J'avais dit des millions, parce que j'ai lu ça, ou peut-être que c'est vous qui me l'avez dit, mais ça n'a peut-être pas de sens. Non, on peut penser qu'il y a un TLE, il peut y avoir un TLE pour 100 ou pour 5... Pour 1000 éclairs, il peut y avoir 5 TLE. Mais ouais. Comme il y a des millions et des millions d'éclairs chaque jour, ça fait des centaines de milliers, en fait des centaines de milliers chaque année. Quoi. Ça fait des millions chaque année. Des millions chaque année, ouais. D'accord. On peut parler d'une dizaine... Des millions de ces phénomènes. Des dizaines de millions de TLE chaque année. Des dizaines de millions de ces phénomènes chaque année, voilà. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Et donc maintenant, on ne peut plus faire l'impasse, considérer ça comme un phénomène marginal. Il faut aller plus loin, voir quantifier... Non, on sait qu'ils se produisent, maintenant il faut avoir des informations pour pouvoir dire oui, non seulement ils se produisent, et il modifie ou il ne modifie pas de façon significative la physique et la chimie de la haute atmosphère. Mmh. Et ça, c'est important. C'est plus simplement de la théorie, c'est plus simplement du fantasme. C'est quelque chose qui est très important pour la compréhension du mécanisme de notre atmosphère. Et dans les temps qui courent, l'atmosphère, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Vous pensez au changement climatique, c'est ça ? Oui, par exemple. Ouais. Donc on a besoin de savoir ce qui se passe. On a besoin de pouvoir voilà. décrire les phénomènes de la façon la plus précise possible. Voilà, on sait que la physique des nuages, par exemple, le rôle des nuages, est très mal pris en compte dans tous les modèles actuels. Et donc, il faut mieux comprendre toute la physique des nuages, non seulement dans les orages, même les nuages que vous avez, ils sont très mal pris en compte pour l'instant. Et donc, il y a des marges de progression importantes, et ça passe par des missions du type Taranis, où on fait progresser la science, notre compréhension des phénomènes. On invalide, on dit oui, ben non, ça, vous pouvez vraiment l'oublier, ou non, ça, vous ne pouvez pas vous permettre de l'oublier. Il faut aller plus loin. Il y a un autre intérêt à cette mission. On en a un peu parlé, mais pas beaucoup, par rapport au TLE. C'est les fameux flashs gamma terrestres. Ce sont des radiations ça, gamma. Vous essayez de nous y amener depuis le début, mais on y va. C'est quand même une grande partie de la mission aussi. ces flashs gamma, donc, Jean-Louis le disait, ça démarre au-dessus des nuages d'orage, donc à partir de 10-12 km. Et ça va jusqu'à, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera perceptible à l'altitude du satellite. Alors là, on n'est pas dans le visible. Hein. Alors, on n'est pas du tout dans le visible. Ça, c'est des photons de très haute énergie, donc les rayons X, rayons gamma. Et l'intérêt de mieux connaître ces phénomènes, c'est ça pourrait venir modifier les règles de sécurité de l'aviation civile ou militaire, parce que c'est des phénomènes très brefs, mais très intenses. Alors, j'ai plus les ordres de grandeur... en mégaélectronvolts de ce que ça représente. Quelques dizaines de millions d'électronvolts. Quelques dizaines de millions d'électronvolts. Voilà. Donc ça peut être aussi bien pour les équipements d'un aéronef ou les personnels qui y habitent. Ça peut être pénalisant, on va dire, pour le moins. Alors moi, j'ai entendu létal, c'est-à-dire mortel. C'est pas vous, M. Pinson, qui avez dit ça? Théoriquement, je suis dans un avion au-dessus d'un de ces flash gamma, alors, ça peut être mortel. Alors, le flash gamma lui-même, non. Non, ça ne peut pas être mortel. Il y a l'émission gamma, en fait, il y a des modélisations qui ont été faites pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait si on était dans cette émission, dans ce cône gamma qui est émis par ces phénomènes. Et quand on fait les calculs, on s'aperçoit que pour un avion situé à une altitude raisonnable, survolant ce phénomène-là, c'est... Au pire, c'est quelque chose qui est même plus faible qu'une radio des poumons. Donc, D'accord. Donc c'est pas létal du tout. Non, ça n'est pas du tout. Ce qui est gravissime, par contre, c'est si vous avez... Il faut savoir que ces phénomènes-là, on a parlé d'accélération d'électrons. Donc il y a aussi des électrons qui sont accélérés associés à ces phénomènes-là. C'est pas tellement l'émission gamma associée, c'est si vous vous trouvez dans le faisceau d'électrons, par contre... Là, par contre, il peut y avoir des problèmes très sérieux. Et les simulations, les premières simulations qu'on a fait là-dessus, c'est un collègue au laboratoire qui travaille là-dessus, et qui montre que si vous avez par malchance, si vous vous trouvez dans ce faisceau d'électrons, eh ben dans ces cas-là, vous pouvez avoir des doses qui sont significatives, c'est-à-dire qui peuvent à terme induire des cancers à très peu de temps. D'accord, donc ce n'est pas instantané. Ça dépend ensuite. Ça peut aller jusqu'à instantané, mais ça peut. De toute façon, c'est au-delà du seuil qu'on appelle significatif. C'est-à-dire qu'il y a. C'est un seuil de rayonnement où on est sûr que vous allez avoir des conséquences médicales associées. Donc, alors c'est vraiment le pas de bol, hein, parce qu'il faut que vous trouviez juste dans le faisceau qui est collimaté. D'où l'importance, parce que ça, ok. C'est très collimaté. Donc, si collimaté, c'est très, ça veut dire un faisceau. Très serré. Hein. Voilà, très peu, avec une faible extension. Voilà. Vers horizontale. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a aucune idée précise à l'heure actuelle du nombre de ces phénomènes. S'il y en a très peu, là, c'est vraiment la faute à pas de chance, si vous vraiment vous êtes tombé dedans. Par contre, s'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, dans ces cas-là, vous prenez un risque réel lorsque vous survolez un orage. Et donc, il faut le savoir. Et il faut savoir que les syndicats de pilotes sont très, très actifs. Ils ont appris que ces phénomènes existaient. On n'est pas capable de répondre de façon claire à l'heure actuelle si effectivement il y en a énormément ou il y en a modérément. Et donc, ils poussent de leur côté, leur entreprise, à investir, à soutenir la recherche dans ce domaine-là pour qu'on en sache plus. Et Taranis va, on l'espère, permettre de répondre, en tout cas partiellement, Taranis, à ce genre de questions. Mais non seulement Taranis, maintenant, ça a suscité d'autres types d'expérimentations avec... C'est des situations, ça apparaît vers quelle altitude, ce genre de choses? Alors, vous parliez d'au-dessus d'orage. Du coup, ça veut dire que c'est au-dessus de la tropopause, donc en avion, ça pose pas de soucis. Mais non. Alors justement, là, pour tout ce qui était TLE, on n'a pas beaucoup parlé de ces phénomènes jusqu'à présent. Donc tout ce qu'on a parlé essentiellement, c'était essentiellement, effectivement, à très haute altitude, les sprites. Ça se passe à 50, 80 km d'altitude. On peut peut-être reprendre la page 2 si vous voulez bien. Et on voit très bien sur la page 2 ce qu'on appelle le electron positron beam, c'est ça, hein, ou gamma rays. Voilà. Ah oui, pardon. Cette espèce de fleur rose là. C'est votre jet gamma, c'est votre bouffée gamma. Hein. Voilà, c'est quelle page ça, c'est... Page 2. Ah, page 2, oui, c'est ça. Ah ouais, page 2. D'accord. Alors, il faut savoir que la source de ces trucs-là, c'est vraiment à l'intérieur des nuages d'orage. Hein, donc, c'est la source, l'accélération des particules, elle se fait à l'intérieur des nuages d'orage. Et donc, c'est là où c'est le plus concentré, c'est-à-dire c'est là où c'est le plus dangereux ou... Ah, bah, bien sûr, c'est, ah, bah, c'est oui. Là où les électrons sont les... D'accord. C'est le plus... Et ensuite, vous avez ces électrons qui sont accélérés. En fait, ce qu'on voit là, c'est jaune, en fait, c'est des électrons secondaires. Il y a une accélération. C'est des électrons secondaires qui sont accélérés un petit peu plus haut. Mais donc, ça, ça veut dire que vous pouvez être dans le faisceau dès que vous êtes à 10 km d'altitude, à partir de 10 km jusqu'à 15, 20 km d'altitude, vous pouvez rencontrer ces faisceaux d'électrons. Donc ça, ça correspond aux altitudes de croisière. Alors, je ne sais pas s'il y a des pilotes. Tout à l'heure, on a posé la question des pilotes dans la salle. Ah, voilà. Alors, voilà. Bon, c'est, pas voilà. C'est pas l'aviation civile. Voilà, mais par contre, les jets privés ou les avions militaires... Je vais me permettre de vous attendre. Voilà, il y a un élément qu'il faut quand même porter à la connaissance de tout le monde, c'est que quand on part en avion, les pilotes évitent les orages. Tout à fait. Hein, d'accord, on fait le tour, d'accord, voilà. Quand on est dans un avion d'Air France ou que sais-je. Voilà. En revanche, il y a certains avions qui peuvent être concernés quand même. Voilà. Alors, ils évitent quand ils peuvent. Oui. Parce que des fois, il y a des barres d'orage qui font des centaines et des centaines de kilomètres et ils sont, ah oui. Dans certaines lignes, hein, ils sont obligés de temps en temps de traverser. Allez, il faut y aller là, d'accord. Bon, ça, c'est une chose. Et aussi, effectivement, il y a l'aviation, je dirais, d'affaires avec des jets, où ils ont des avions qui ont la possibilité de voler à plus haute altitude. Et donc au-dessus de ces au-dessus nuages. Au-dessus des masses convectives. Alors, et donc, au-dessus des masses convectives. Alors, justement, ils s'imaginent indemnes. Voilà. Voilà. Eh oui. Et donc, la question se pose, là, est-ce qu'ils prennent un risque ou pas? Voilà. Est-ce que tu en avais entendu parler de ces histoires Ben en fait, justement, non. Et en sachant que je sais qu'il y a des aviations, de l'aviation d'affaires qui se fait à 40, voire 50... Enfin, 737 vole à 40 000 pieds. Non, ils ne volent plus en ce moment. Ça, c'est fini, là. Si, c'est bon, le Max, non il... Non, c'est non, mais un NG vole toujours à 40. Et en sachant que l'aviation d'affaires fait bien du 50, ouais, ben voilà, quoi. Concorde aussi, d'ailleurs, ouais, qui volait encore plus haut. Et voilà, et certains avions militaires aussi, pour éviter ces détours, passent très haut au-dessus des nuages d'orage et donc potentiellement peuvent se retrouver dans ces flux qui, donc, selon la dose, selon là où ça se passe, peut voilà. Être embêtant. Voilà, donc il y a quand même à connaître pour éventuellement modifier les règles de l'aviation civile ou militaire. Savoir s'il y en a énormément ou pas, parce qu'il y a suivant les théories, il pourrait y avoir énormément de TGF. Mais du coup, on a quand même des pilotes à l'armée, on a aussi des pilotes qui ont volé sur Concorde. Est-ce qu'on a vu des effets sur ces personnes-là Effectivement, voilà. Hein, là. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, il y a des... Vous savez qu'on mesure les rayonnements, les équipages de l'aviation civile, ils ont droit à un certain nombre de vols et en fonction de la dose reçue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les capteurs qu'ils ont actuellement ne sont pas sensibles à toutes ces émissions-là, puisqu'ils sont prévus pour des émissions qui ont un certain temps, avec des types de rayonnement, avec certaines énergies. Et les capteurs qu'ils ont actuellement dans l'aviation civile ne sont pas sensibles à ces types d'émissions-là. Donc, en fait, même s'ils les ont subis, ils n'ont très probablement pas les données pour pouvoir répondre. Donc, ils sont aussi sensibilisés à ça. Donc, il y a des questions maintenant d'avoir de changer le type de capteur embarqué de façon à pouvoir tenir compte éventuellement aussi de ces phénomènes-là. Donc, vous voyez que ça a des répercussions aussi, mine de rien, sur le... Michel. Oui, on parle d'avions de ligne. Je pensais à un autre cas, c'est les lancements spatiaux. Il se trouve que si on regarde la carte des zones d'éclairs, je pense que, alors qu'au rouge, j'arrive pas à situer si c'est dans la zone verte ou dans la zone rouge, mais bon. Et en tout cas, Cap Kennedy, il n'y a aucun doute sur la Floride. Donc, à part ceux qui partent de Baïkonour, où ça a l'air un peu plus calme, est-ce qu'il y a des études sur les possibilités d'effets, sachant que, alors je ne pense pas que c'était ce genre de phénomène, mais Apollo 12 avait été frappé par un éclair au cours du lancement, à une certaine altitude. Tout s'était arrêté pendant quelques instants, tous les systèmes, pas la fusée, mais les systèmes. Et heureusement, tout a reparti à peu près normalement, avant même qu'ils se rendent compte de ce qui se passait, je crois. Oui, alors évidemment, les éclairs sont les orages. Ce sont des conditions extrêmement défavorables au lancement de fusées. Hein. Donc, il y a dans la chronologie, il y a toujours ce qu'on appelle un vert ou un rouge météo. Donc, il y a des météorologues qui sont là à Kourou et ailleurs pour estimer, comme à Roland-Garros, le risque d'une météo défavorable au tir. Et toutes les bases de lancement sont équipées, tous les pieds de lancement, les tours de lancement sont équipés de capteurs pour prévenir, parce que le lanceur peut être dressé sur son pas de tir plusieurs heures avant le tir effectif. Donc il faut éviter qu'avant le tir, il y ait eu même des décharges d'orage. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien pris en compte. Et alors, ça peut arriver, c'est comme des avions de ligne peuvent être touchés par la foudre. Certains s'en sortent indemnes parce que malgré tout, ce sont des cages de Faraday, hein, donc il peut y avoir dispersion de la charge. Mais c'est réel. Kourou, là, ben, on le voit, hein, c'est un peu au-dessus de l'équateur. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est dans le. C'est un peu au-dessus. Sur la petite tache. Voilà, c'est plutôt dans les taches vertes. Hein, ah, donc c'est plutôt dans les taches vertes. On est plutôt pas mal. Bien joué, bien joué. Par rapport à Cap Kennedy, où là, ils sont vraiment dans une zone très, très peu favorable. Et du reste, les rouges météo pour cause d'orage à Kourou sont assez rares. C'est vrai. Mais c'est un phénomène pris en compte, ça, c'est certain. Est-ce qu'on continuerait là ? Parce qu'on a vu les elfes de façon assez, assez importante. Mais on n'a pas regardé encore ensemble les images. Donc Red Sprite, on en voit page 5. Oui. Donc phénomène extraordinairement rapide. Voilà. Et là, donc là, ce n'est pas un seul, c'est tout un paquet de Red Sprite. Hein. Mais qui se sont produits, à votre avis, c'est cumulatif ça ? Ou c'est une image à un moment donné prise ? L'image a accumulé plusieurs. L'image accumule, vous avez vu. Ah, l'image accumule, donc voilà. Avec plein de sprites les uns à côté des autres. Mais qui sont quasiment, qui se produisent quasiment au même moment quand même là. C'est ça, d'accord. Hein. D'accord. Ok, et alors là encore, qu'est-ce qui fait que ça luit comme ça dans l'air ? Ah ben là, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. La même chose. Voilà, c'est ça. On excite des molécules qui se trouvent à cette altitude-là. Là, c'était de l'azote dans le cas de Des sprites. Des elfes. Des elfes. Oui. C'est aussi de l'azote dans le cas. D'accord. Puisque c'est le composant prédominant de l'atmosphère. 70% hein. De l'air, l'atmosphère est composée d'azote. Merci. Ok. On a encore une belle image, page 6. Voilà. La belle carotte, là. C'est toujours dans le sprite. C'est la même. Hein. C'est pas la même. Alors, il y a une page 7, quelque chose d'assez intéressant. On voit comment se déploie un Red Sprite, finalement. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu pour expliquer un peu le mécanisme. Hein. Alors, ce qu'on montre, c'est qu'au-dessus d'un orage, quand il y a un éclair qui part du sommet du nuage d'orage vers la Terre, il va pouvoir produire au-dessus du sommet, au-dessus de l'atmosphère, des champs électriques assez intenses. Et en fait, quand il y a un champ électrique assez intense, si vous avez un champ suffisamment fort, vous pouvez faire un claquage, en fait. Bon, pour faire claquer l'atmosphère, en bas, en atmosphère dense, il faut vraiment des tensions, des champs extrêmement forts. Hein, c'est des millions de volts par mètre. Par contre, lorsqu'on monte en altitude, la tension de claquage devient de plus en plus faible. Donc, ce qu'on montre, c'est que lorsqu'on est assez haut au-dessus d'un orage, autour de 70-80 km d'altitude... Alors que l'orage lui-même est à 12 km, hein, voilà, c'est ça ? Le sommet du nuage est 12 km d'altitude. Là, on est à 70 km d'altitude. Là, à 70, on est beaucoup plus haut. Alors, le champ, il a décru, d'accord, mais il est quand même suffisamment fort pour, à cette altitude, faire claquer l'atmosphère. Et donc, on va pouvoir commencer à avoir tout un tas de... Alors, à 1,66 millisecondes, là, voilà, donc la première image en haut à gauche... Vous voyez, ça se produit entre 70 et 80 km. Alors, à droite, effectivement, on voit l'altitude. Hein. Voilà. Hein. Et donc, vous allez voir... Vous voyez que, alors, ça a été pris avec une caméra avec 5000 images par seconde. Donc, vous avez des images qui sont prises à des instants successifs. Hein. Donc, vous avez une image à 1,66, donc c'est le halo. Hein, voilà, c'est le halo, c'est ce fameux... Halo rouge. Voilà, c'est ça, qui s'illumine. D'accord. On voit déjà qu'il y a des micro-décharges qui se produisent à l'intérieur. Et alors, à 2,26 millisecondes, vous voyez un petit filament qui apparaît. Il y a une petite instabilité. À 2,26, une petite instabilité, un petit filament. Voilà, qui va amorcer, en fait, le sprite proprement dit. Donc, alors, c'est tout un mystère. Hein. Il y a le problème de l'initialisation. On ne sait pas encore exactement qui est-ce qui est à l'origine, parce que c'est un peu comme tout. Les conditions sont là pour que se produise le phénomène, les tensions sont suffisamment fortes, mais il faut un petit quelque chose, une petite perturbation supplémentaire pour que ça amorce le phénomène. Si ça ne s'amorce pas, ça restera simplement un halo et on ne verra rien d'autre. Et là, les conditions ont été optimum, on a pu avoir ce petit amorçage, et là vous voyez se déclencher en fait cette décharge qui va vers le bas. En 2,46. Et puis vous avez ensuite, en 2,66, un petit peu plus bas, vous voyez que c'est des dizaines de kilomètres qui sont faits en quelques millisecondes. Hein. Donc on a l'impression d'un système racinaire là, qui est en train de se déployer vers le bas. On parle même de fractal. Ça part dans tous les sens. Et donc même si là on ne le voit pas sur l'image, mais on voit quelque chose qui descend. Et si on raffine encore, on peut même voir des phénomènes qui remontent. Ah oui. Et on voit des pulsations comme ça. Ah, il y a des pulsations. Oui, donc c'est très filamentaire. Donc là, on voit qu'un phénomène descendant, mais en fait, il y a des choses qui remontent aussi. Donc la physique de ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment une microphysique, puisque tout ça, c'est, c'est détaillé sur des filaments très fins où on ne sait même pas l'extension. On ne sait pas si c'est quelques mètres, quelques dizaines de mètres. On ne sait pas encore la structure. C'est des structures très fines. Et donc, ce qu'on sait, par contre, c'est que la physique de ça, on va bien s'amuser parce que c'est très, très compliqué. On va bien s'amuser. Tant mieux. Ben, on est content pour vous. Et donc, l'extension maximum du phénomène, là, c'est à 4,66, c'est ça ? Voilà. On va, donc le phénomène là, à 4,66 voilà. millisecondes va de 80 km en altitude. Voilà, et on a atteint jusqu'à 50 km. On descend jusqu'à 50 km. 50 km, typiquement, c'est la. Ouais, 50, la même, je dirais même 45. Voilà, hein. Mais grosso modo, l'ordre de grandeur, wow, c'est ça. Impressionnant. C'est la mésosphère. Impressionnant. Encore une fois, c'est des phénomènes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Page 8, un Blue Jet. Blue Jet, oui. Alors, ça, c'est un Blue Jet. Donc, c'est quelque chose, ça, c'est vraiment ce qui ressemble plus à un éclair inversé. Au lieu de partir de nuage vers le sol, eh ben, il part du nuage vers le haut. Et comme il rencontre des espèces chimiques un peu différentes, sa couleur est bleue. Sa couleur est bleue à ce moment-là. Hein. Et donc, il part typiquement du sommet du nuage d'orage et il va jusqu'à une cinquantaine de kilomètres d'altitude. C'est-à-dire qu'il va jusque là où les sprites s'arrêtent lorsqu'ils descendent. Quelle hauteur, vous dites ? Une cinquantaine de kilomètres. Cinquantaine de kilomètres, là aussi, comme un peu comme en fait, le sprite. C'est une couche d'atmosphère. Hein. On est dans la stratosphère, c'est jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Entre 15 kilomètres et 50 kilomètres, on est dans la stratosphère. Et puis au-delà, on passe dans ce qu'on appelle la mésosphère. Donc en fait, les phénomènes, vous avez les éclairs d'orage, c'est plutôt dans la stratosphère. Vous avez les blue jets, c'est plutôt dans la stratosphère. Et puis ben, au-dessus de la stratosphère, dans la mésosphère, vous avez les sprites. Et tout en haut, vous avez les jets qui se produisent dans... Alors on ne les voit pas non plus, hein, les blue jets. Ils ont une dizaine de millisecondes, donc c'est un peu trop rapide. Alors je me demandais si je n'avais pas fait une erreur en réalisant ce petit document. Je suis arrivé à en poser la question et... Jean-Louis Pinson m'a dit, si, il y a une erreur. Oui, il y a une erreur. Hein. Celui qui apparaît en 9 et qui est marqué comme Blue Jet. À droite, là, en page 9, celui qui est à droite, c'est pas un Blue Jet. C'est pas un Blue Jet et on peut le voir quand on a un peu l'habitude parce que vous voyez qu'il commence blanc, bleu et vous voyez du rouge aussi. À la fin, il est tout, rouge, tout, tout en haut, il est rouge. Et s'il est rouge, ça veut dire qu'il va très haut. Il va jusqu'à l'altitude au moins des sprites. Donc c'est pas un Blue Jet. Donc c'est pas un Blue Jet, c'est ce qu'on appelle un jet géant. Un jet géant, c'est le. Et d'ailleurs, si vous tournez la page et que vous allez en page 10. Vous avez deux magnifiques jets géants qui apparaissent. Ouais. Et vous voyez sur la page 10, il a mis un petit encart sur le côté. Sur la gauche, ouais. Sur la gauche, ouais. Bah, c'est celui-là. Et bah, c'est celui-là. Si vous voyez, vous voyez l'appareil photo. Alors là, il y a une petite histoire amusante. C'est le même. Donc celui que vous voyez en page 10 à gauche et celui que vous voyez en page 9 à droite, c'est le même. Il y a une petite histoire amusante pour celui-là. En fait, c'était la nuit des étoiles en Chine. Ils font aussi un peu des nuits des étoiles où tout le monde sort ses appareils photos et on vise une direction où on doit voir arriver les étoiles filantes. Et là, ils étaient catastrophés parce qu'ils ont vu un orage qui se développait juste dans la direction d'où... Quelle catastrophe. Catastrophés. Mais ils ont eu la chance énorme d'avoir un jet géant qui s'est produit. Là, tout le monde l'a vu, là, alors, non ? Là, il y en a qui l'ont vu, puisqu'il était... pas tous, puisque vous voyez, il y a des gens qui regardent ailleurs à ce moment-là. Ah oui, qui regardent ailleurs. Mais par contre, là, vous voyez, c'était un jet géant et donc ils ont pu le photographier. Magnifique, magnifique. Donc le gamma, la bouffée gamma. Et alors là, il y a quelque chose qui est jaune, là, la ligne magnétique du champ magnétique. Voilà, en jaune, il y a une... Vous avez vu qu'il y a cette bouffée de rayonnement gamma qui, elle, c'est comme un rayonnement optique. Hein. Ça part dans toutes les directions, c'est comme de la lumière, sauf que c'est pas des gammes visibles. Mais vous avez aussi ce faisceau d'électrons dont on a parlé qui est accéléré, qui lui va être guidé par les lignes du champ magnétique terrestre. Il ne peut pas partir comme il veut. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus, j'ai parlé de focalisation, il va en fait s'enrouler autour des lignes de champ magnétique terrestre. Et c'est ce qui est symbolisé par cette espèce de trace jaune qu'on voit sur l'image ici. Alors il y a quelque chose d'incroyable aussi, là, qui, si on regarde bien, ce sont les petits... Toujours sur la page 11. Oui, sur ce flux jaune là, qui suit les lignes du champ magnétique terrestre, en vert, sont représentés en fait de l'antimatière. Ah oui, il y a un peu de vert là, dans le jaune il y a du vert. Oui, il y a des électrons et il y a des positrons, c'est des anti-électrons quoi. Donc dans ces collisions fantastiques, il y a, de manière très brève, apparition d'antimatière qui va tout de suite se désagréger parce que va rencontrer de la matière. Et en émettant une signature physique très bien connue des physiciens, à 511 kilo-électron-volts. C'est ça. Donc c'est matière-antimatière qui se désagrège et qui émet une radiation de ce type-là. Et donc dans notre atmosphère, il y a création d'antimatière, bon, de manière très brève, il faut dire un mot de ce que c'est que l'antimatière. L'antimatière, c'est une forme de matière qui a pour conséquence si une particule d'antimatière rencontre une autre particule de matière, elle s'annihile dans une bouffée d'énergie. Tout à fait. Hein, c'est d'ailleurs un des grands mystères de notre univers. C'est-à-dire que quand on part d'énergie brute, tous les modèles montrent qu'on peut créer deux types de matière. La matière et l'antimatière. La matière et l'antimatière qui, en se recombinant, reproduisent l'énergie. Et un des mystères de notre univers, c'est qu'en fait, on voit principalement un type de matière et pas l'autre. On peut, quand on travaille avec l'énergie brute, reproduire cette énergie de cette antimatière, c'est ce qui se passe là. On a suffisamment d'énergie, on fait des collisions, et donc on produit cette antimatière. Donc ça prouve que ça existe bien. Mais où est l'antimatière ? Où est passée l'antimatière ? Et ça, d'autant qu'on pense qu'au début de l'univers, il y avait autant de matière et d'antimatière qui auraient été créées. Le début de l'univers, c'est l'énergie pure. Donc il produit de façon... À égale quantité, il a dû nécessairement, ou là il faut expliquer pourquoi, et pour l'instant on ne comprend pas, il doit produire de la même façon autant d'antimatière que de matière. Et pourtant on ne voit que de la matière. Que de la matière, oui. Alors où est passée l'antimatière? Voilà, donc ça c'est un mystère. Un des mystères. Pas résolu. Pas résolu. C'est pas Taranis qui le résoudra. Non, je sais pas. C'est, il n'est pas là pour ça en tout cas. C'est un fantasme des militaires d'avoir un canon en antimatière. Ah oui bien. Ah oui, c'est vrai. Et même, dans la science-fiction, il y a des moteurs lanceurs ou de vaisseaux spatiaux plutôt à antimatière. Ah oui, parce qu'il y a des recherches où même la gravité, on pourrait avoir des effets antigravité. Donc ça pourrait être intéressant. Quoi. Enfin bon, tout ça, c'est un peu spéculatif. Hein. Alors on a envie de les observer, tous ces phénomènes. Alors il y en a quand même qu'on n'a pas cité, ce sont les démarreurs bleus. Est-ce qu'ils sont la page 2? Vous les voyez page 2, les démarreurs bleus? Oui, c'est ce qu'on appelle les glimpses. Les glimpses. Les blue glimpses. Les blue glimpses, page 2. Alors, on en a très peu dit. C'est ce qu'on voit au-dessous des red sprites, c'est ça? Voilà, c'est mais ça, il faut pas les, ils ont. Non. Ça, non. C'est, non, c'est plutôt... Blue glimpses. Les blue glimpses, si vous regardez bien, c'est ces petites traits bleus qui sont juste à la surface des nuages, des orages. Donc, juste en dessous du B, en dessous du B de blue glimpses, il y a une espèce de petit nuage un peu bleu. Ouais, un peu bleuâtre. Oui, oui, c'est tout à fait bleu. En dessous, en fait. Voilà. Et c'est ça le Blue Glimpse. Okay. Alors, on n'en dit pas grand-chose parce qu'en fait, ils ont été découverts très récemment, il y a quelques années, c'est 4-5 ans, pas plus. Hein. Et donc, on sait très peu de choses dessus. On a juste quelques images. Alors, avec Azim, le fameux instrument qui est... Il semblerait qu'ils en voient encore beaucoup, qu'ils voient beaucoup de choses comme ça. Mais pour l'instant... On sait assez peu de choses dessus. Donc il y a encore des TLE à découvrir peut-être. Ah mais tout à fait. On espère. Ben oui bien sûr. Ah, oui. La preuve, on vient encore de les découvrir. Il y a juste 2-3 ans, on a découvert ces Blue Glimpses. Donc. Et donc comme vous aurez des moyens d'observation particulièrement affûtés, si je puis dire, on peut espérer avec vous découvrir de nouveaux phénomènes. Alors on peut pas, je peux pas vous affirmer qu'on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas, mais la porte est ouverte et donc on espère bien avoir des surprises de ce genre-là. Ouais. Alors juste. Avant que vous nous expliquiez comment, si nous, on veut observer ces phénomènes, parce que c'est possible, hein, ce sont parfois des amateurs qui ont réalisé les images que vous avez vues. Avant qu'on voit ça, peut-être que vous pourriez m'expliquer justement ce qui fait que Taranis est si spécial. C'est finalement, l'idée, c'est qu'on a à la fois des détecteurs optiques extrêmement précis pour détecter ce genre de choses-là. On a des détecteurs électromagnétiques pour tout ce qui est rayonnement gamma, rayons X, etc. Donc ça, c'est parfait. Mais on a aussi... des détecteurs très large champ pour essayer de capter l'environnement électromagnétique des phénomènes, c'est ça? Non, alors, c'est ça un peu. Bon, donc, l'idée de Taranis, c'était de faire progresser la science sur ce domaine-là. Alors, ce qu'il fallait, c'est, puisqu'on veut, on a des phénomènes optiques, il fallait donc des instruments optiques. On voulait voir les gamma, donc il fallait les flashs gamma terrestres, donc il fallait un détecteur gamma. Et la grande nouveauté de Taranis, c'est qu'on va pouvoir associer en plus à toutes ces informations... avoir toutes les signatures électromagnétiques, puisqu'on a aussi à bord de Taranis des capteurs électriques, des capteurs magnétiques, qui vont pouvoir mesurer en même temps toutes les signatures éventuellement électromagnétiques. Et on a aussi à bord de Taranis des détecteurs de particules qui vont pouvoir mesurer ces fameux électrons accélérés. Donc, ce qui veut dire que ce sera le premier instrument, alors là, pour le coup, on sera vraiment les premiers à faire ça, où on aura pour les instruments non seulement les mesures optiques, mais on aura les mesures gamma, les mesures des électrons, et puis aussi toutes les signatures optiques et électromagnétiques. Donc on va pouvoir faire le tour de toutes les caractéristiques possibles du phénomène et pouvoir dire, ben non, cette théorie ne colle pas, ou cette théorie, entre les théories que vous aviez, ça va être plutôt celle-là que celle-là, ou dire, ben non, toutes les théories actuelles, elles ne marchent pas à cause de cette signature particulière que vous n'expliquez pas. Donc c'est là, on arrive pour faire un peu le ménage parmi... Voilà, faire le ménage parmi les théories. Voilà. Alors, il y a une théorie tout à fait extraordinaire. Vous nous avez parlé d'accélérateur de particules. Et là, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Là. C'est-à-dire qu'un orage, ça fonctionne comme un accélérateur de particules. Voilà. Il y a des... Parce que moi, je sais ce que c'est qu'un accélérateur de particules. C'est un anneau. Il y a par exemple le LHC qui est à la frontière franco-suisse sous la Terre. C'est un anneau qui fait 27 km de diamètre, je crois. Et donc, on fait circuler des particules dans un sens, d'autres particules dans un autre sens, extrêmement rapidement, et on les fait se collisionner et on, dans cette collision se produisent, il y a d'autres particules qui sont produites en réalité. C'est ça. Et donc on va expérimenter, on va casser la matière pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, de quoi elle est composée finalement. Voilà. Et alors là, vous me dites, on a un peu des phénomènes comparables là dans les nuages d'orage. On a une accélération de particules, ouais. Donc ça joue le rôle d'un accélérateur de particules. Alors ça, il faut bien comprendre que ça a été une surprise complète. Personne n'imaginait de phénomène naturel capable de produire des accélérations de particules dans les milieux aussi. Alors, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, ça se produit dans les nuages d'orage. Donc, c'est des milieux très denses encore. Alors, ça, c'est vraiment un très dense en glace. Non, très dense, c'est simplement c'est une atmosphère qui a très. C'est, on n'est pas très haut, oui. Et donc il y a énormément de particules. Ouais, c'est ça. Hein, quand vous parlez des accélérateurs de particules du CERN, ils sont dans des tubes où on fait un vide très très poussé. Donc rien n'arrête vos particules. Vous mettez un champ électrique, vous pouvez accélérer vos particules, ils tournent, alors ils tournent, ils reviennent, et puis vous en profitez pour le refaire passer dans son champ électrique. Donc comme ça, vous pouvez les accélérer à chaque fois. Il ne sera pas freiné entre deux passages. Il ne sera pas freiné par la rencontre et la collision avec d'autres voilà, particules. Voilà, vous êtes dans le vide. Or, donc votre question, c'est finalement, comment est-ce qu'il est possible dans des orages d'accélérer des particules alors qu'il y a tellement... Il y a alors, plein c'est de particules encombré. Partout, qu'ils n'arrêtent pas de se collisionner. On montre, quand on fait les calculs, on prend les électrons qui existent, ce qu'on appelle thermiques, qui sont là, dans le milieu. Si on met même des champs énormes, il y a tellement de particules autour d'eux, ils commencent à accélérer, mais paf, ils se prennent une particule, ils sont freinés. Ils repartent un petit peu, paf, ils sont freinés. Et ils n'arrivent jamais à être accélérés à cause de ça. Donc c'était un mystère complet. Comment est-ce qu'on peut accélérer des particules dans les orages? Vous voyez, c'était vraiment le challenge pour les physiciens. Ils se retrouvaient... On avait les mesures qui nous prouvaient que c'était accéléré. Eh ben, comment vous allez faire avec... Il y a une théorie intéressante, c'est la théorie qu'on pourrait surnommer la théorie de l'autoroute. Oh, non, on ne peut pas l'appeler comme ça. Non. Ils ont des noms. Mais c'est un petit... Alors c'est quoi la théorie de... Alors, il y a l'image de l'autoroute, en tout cas, qui peut aider à comprendre. Oui, c'était pour expliquer. Il y a plusieurs théories en fait, concurrentes. Enfin, il y a deux grosses concurrentes. Mais ce qu'il fallait comprendre... Alors c'était la plus simple, c'est qu'en disant... L'idée, c'était qu'il fallait qu'il y ait... Déjà, dans le nuage d'orage, une population d'électrons qui ont déjà de l'énergie. Et ceux-là, ils vont pouvoir. L'idée, c'était un peu... Qui ont déjà de l'énergie, qui ont déjà une vitesse. Qui ont déjà une grande vitesse. Ouais, c'est ça. Et c'est là que l'image de l'autoroute, je vous avais parlé... Expliquez-la, elle est quand même très parlante. Alors, le problème, c'est ce que je vous ai posé. Imaginez un autoroute où vous avez beaucoup de voitures qui passent devant vous et vous devez traverser l'autoroute. Si vous traversez lentement, si vous partez de zéro et vous traversez lentement, vous avez toutes les chances de vous prendre une voiture. D'accord, puisque le flux va. Par contre, si vous avez déjà une très grande vitesse, la probabilité de rencontrer une autre particule, pour avoir une collision, est beaucoup plus faible. Vos chances de traverser l'autoroute sans collision est plus fort. Et donc c'est ça la solution. C'est-à-dire que si, au lieu de prendre des électrons immobiles au départ, vous avez dans le nuage d'orage des électrons qui sont déjà très rapides, ceux-là, ils vont être beaucoup moins sensibles aux collisions, parce qu'ils sont déjà très rapides, et donc vous allez pouvoir les accélérer comme ça. Alors d'où viendraient ces électrons rapides? Alors voilà, le problème c'est d'où viendraient, voilà, la question c'est ça. Et l'idée, une des idées, c'est ils sont produits par les rayonnements cosmiques. Alors il faut savoir qu'en permanence, notre atmosphère est bombardée par des particules qui viennent de l'univers. Hein. Et c'est des particules très énergétiques qui en collision, qui rentrent avec des énergies considérables dans l'atmosphère et qui collisionnent avec les molécules de l'atmosphère, et elles collisionnent tellement fortes qu'elles leur arrachent leurs électrons, elles produisent des électrons secondaires qui ont des énergies assez importantes, qui peuvent aller de quelques MeV. Et c'est ces électrons-là qui seraient, pour cette théorie, qui seraient dans ces cas-là accélérés et qui serviraient à produire ces faisceaux d'électrons. Alors, c'est très controversé. Ah, il y en a qui vient de passer là. Ah. Ah. Allez, vas-y. Allez, tout de suite, là. Dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Maintenant. Aïe. Trop lent. trop lent. OK, donc, on a une accélération de particules qui se produit. Et l'idée, c'est que ce qui est accéléré, ce serait des électrons qui viendraient du rayonnement cosmique, qui viendraient du rayonnement qui vient du reste du cosmos. Hein. C'est une des théories. Une des théories. Voilà. D'accord. Et donc, avec Taranis, on espère justement pouvoir discriminer entre ces théories et dire, voilà idéalement, c'est les ça, observations ça. Penchent plutôt pour cette théorie plutôt que pour celle-là. Voilà. D'accord. Exactement. Alors, on veut les observer, là, ces phénomènes. Comment on fait? J'ai envie de alors, ça dépend lesquels. Les flashs gamma, vous n'allez pas pouvoir les observer, vous. D'accord. Par contre, pour les phénomènes lumineux, vous avez la possibilité. Hein, je vous ai dit, c'est des phénomènes très courants. Il vous suffit simplement d'avoir une bonne caméra. Une bonne caméra bien sensible et lumineuse. Mais enfin, vous trouvez ça dans le commerce pour quelques centaines, voire avoir 1 kilo euro ou 2-3 kilo euro, vous pouvez avoir ça. Vous kilo pouvez... euro. Le kilo de, euro, c'est le millier d'euros. À partir de 1000 euros, vous pouvez avoir des petites caméras. Avec... Il n'y a pas besoin d'aller très vite. Hein, il suffit qu'il y ait 60 images par seconde. 60 images par seconde, ça suffit. Ça suffit déjà pour prendre quelques images. D'ailleurs, on l'a fait. Par contre, il faut coupler ça avec un petit logiciel qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur le net et qui va vous servir justement à... Eh bien, à savoir quand vous devez prendre des images, quoi. Quand est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce... Alors c'est un petit logiciel, c'est amusant. Il a été développé par les chasseurs d'OVNI. D'OVNI, oui. C'est-à-dire qu'ils couplaient ça, justement, avec ce type de caméra. Ils mettaient la caméra qui regardait le ciel en permanence la nuit. Et ça regarde image par image et ça compare chaque image avec la suivante. Ah oui. Ça compare pixel par pixel. Et si ça voit des différences entre les pixels, ça dit « Ah, il s'est passé quelque chose. » Oui, parce que ce que vous êtes en train de dire, ce que je crois comprendre, c'est que finalement, même si moi, je regarde le film et que le phénomène a lieu sur une image, parce que si le phénomène a lieu, ce sera sur une image, je ne le verrai pas, le phénomène. Vous ne le verrez pas. Mais si vous passez image par image, vous allez pouvoir le voir, par contre. Donc, il faut finalement un logiciel d'analyse d'image, c'est ça? Alors, c'est ça. C'est des petits logiciels qui font ça, qui regardent en permanence l'image et qui regardent la différence. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle une petite mémoire circulaire. Alors, vous mettez votre caméra à fonctionner toute la nuit. Et puis, en fait, le petit logiciel va faire pour lui, il va vous sélectionner juste les intervalles où il s'est passé quelque chose, où il a vu des différences. Des différences entre deux images. Alors, vous allez voir des météorites, vous allez voir des avions passer, vous allez voir des phares de voiture. Des ovnis. Peut-être. Et puis, de temps en temps, vous allez voir, si vous avez de la chance, des sprites. Des sprites. D'accord. Et donc, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça. Et il y a plein de photos d'amateurs. Il faut plutôt se mettre en altitude sur une montagne. Il faut mieux être dans un endroit sombre, parce que si vous avez plein de lumières parasites, eh bien sûr, votre système ne va pas pouvoir les détecter. Il sera gêné par les lumières parasites. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est d'orienter, de prendre des informations sur les météos, savoir qu'il va y avoir un orage à tel endroit. Et donc, vous orientez votre caméra dans la bonne direction. Et si vous avez un peu de chance, c'est que le ciel est dégagé de votre côté. Que le ciel soit plutôt dégagé. Il faut voir l'orage. Voilà, il ne faut pas que ce soit au-dessus de vous, parce que là, c'est bloqué. Vous avez la masse nuageuse qui vous bloque. Il faut que l'orage soit assez loin. Par exemple, ça peut être à des centaines de kilomètres. Il faut que ce soit à des centaines de kilomètres. Donc, il faut quand même avoir une belle vue. Hein. Voilà, pour que vous puissiez. Ah oui, il faut que ce soit assez dégagé de votre côté. D'accord. Assez, oui. Des centaines de kilomètres. Sinon, vous avez un pilote ici. Oui, j'avais une question en fait justement par rapport au, vous disiez les amateurs peuvent avec donc pour pas froisser dire des milliers d'euros mais 1 kilo ou 2 kilos euros. Tout à fait. S'acheter une caméra sensible et ultra rapide. Après, quel est l'apport du on va dire de l'amateur ou du semi-professionnel avec des caméras comme ça par rapport aux études scientifiques? Alors, c'est des choses en fait qui peuvent être très intéressantes. Alors, on en a pas parlé, mais par exemple, ces fameux sprites qu'on voit. On a vu qu'il peut y en avoir une succession les uns à la suite. Des fois, ils sont quasiment simultanés et ils se répartissent suivant des structures géométriques bien particulières. Alors là, la chance, ce serait d'avoir plusieurs personnes qui voient le sprite sous des angles différents. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il soit avec un niveau de datation très très fin, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit GPS aussi pour pouvoir dater le phénomène. Et là, l'apport on a d'ailleurs déjà quelques informations comme ça, où il y a des amateurs qui ont fait des petits réseaux comme ça d'observation. Et qui apportent aux scientifiques leurs données en disant « Regardez, on voit nos sprites et en fait, on a l'impression qu'ils se distribuent suivant des couronnes, suivant des choses comme ça. » Et donc, ça apporte des questionnements supplémentaires aux scientifiques sur les mécanismes qui sont à l'origine de ce phénomène-là. Et donc, les amateurs peuvent, par leur nombre, apporter quelque chose en fait, à la communauté scientifique, à condition qu'ils aient un minimum de datation, une datation assez précise pour qu'on puisse faire des corrélations, des triangulations. On peut parler à ce sujet-là du réseau Fripon. Fripon. C'est mignon. C'est un réseau de caméras large champ qui a été réparti sur tout le territoire. Il y a à peu près une centaine de caméras sur des établissements scolaires ou autres qui ont été conçues pour observer les bolides, les météorites. Mais on est en train de, notamment à Orléans, d'adapter ces logiciels de ces caméras pour repérer des sprites aussi, pour les enregistrer à la manière dont on a parlé là. Et donc avec ce réseau qui couvre toute la France et qui va se répandre aussi en Europe, on pourrait avoir un réseau d'observation qui, couplé avec Taranis, qui les verrait par le dessus, permettrait de corréler des données, d'avoir des modèles 3D, hein, puisqu'on pourrait éventuellement corréler sous différents angles, donc faire de la modélisation en relief de tous ces phénomènes. Donc là, c'est des réseaux qui sont très peu chers. Hein, c'est, les établissements scolaires peuvent l'acquérir pour quelques centaines d'euros. Et voilà, c'est des outils pédagogiques aussi très intéressants pour les collégiens, les lycéens, voire des étudiants, pour approcher ces phénomènes scientifiques, ces phénomènes physiques, et aider les, on va dire, les professionnels, les gens du CNRS, pour apporter des données, comme c'est le cas dans d'autres, sur d'autres sujets. Donc les amateurs, par leur nombre, peuvent aussi apporter beaucoup de choses. On peut regarder page 13, là. C'est, on est sur le toit de, du LP, C2E, oui, du LPC le laboratoire, 2E. Voilà. Et il y a votre caméra, là. La petite caméra, là, vous voyez, qui est sur un mât qu'on peut faire tourner. Alors, on va sur le toit et à la main, nous, on oriente le, à la main. Oui, on a une espèce de petit... On a, bien sûr. Alors, si on est un peu plus riche, on peut se payer un petit moteur et puis faire ça de l'intérieur. Ça, ouais. Mais nous, on n'avait pas trop de sous. Donc puis, on avait des étudiants, donc... Il faut bien qu'ils servent à quelque voilà, chose. C'est ça. Et donc, on regarde la météo le soir d'orage et on, quand le ciel est dégagé chez nous et qu'on a quelque chose, eh ben on voit sur le toit et on oriente la caméra. On oriente la caméra et alors on obtient la photo voilà, alors, de gauche. Voilà, vous avez la photo de gauche. Vous pouvez, j'ai encadré... Toujours page 13. Voilà, encadré. Alors, évidemment, ce n'est pas des belles photos qu'on a... Vous pouvez voir au-dessus, on a pris ces jours-là une petite photo de sprite. Donc, il y a un sprite, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, page 13, sur la photo de gauche. Il y a un sprite qui est entouré avec une espèce de rectangle rouge. Et vous voyez qu'on n'est pas très bien situé puisqu'on voit la banlieue autour, tous les coins, donc c'est illuminé. Et pourtant, on arrive à les voir. Maintenant qu'on sait où regarder, qu'on sait qu'on voit ces phénomènes, tout le monde en voit partout dans le monde. Ah, tout le monde en voit, d'accord. Ah oui, maintenant, c'est des... Mais c'est incroyable, ça. Alors qu'avant, personne ne les voyait. Ouais, mais il faut maintenant avoir... qu'on sait que ça existe, il y a des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers de photos de sprite partout. De photos de sprite, ok. On va bientôt se quitter, mais je voudrais quand même que, avant de se quitter, on fasse un petit détour avec quelque chose que nous a, quelque chose qui nous a été apporté par Christophe Bastien-Thierry. Est-ce que vous voulez nous montrer Christophe Bastien-Thierry? Parce que ce satellite Taranis a été l'occasion d'une innovation qui se développe de plus en plus. Alors on va pas montrer ça tout de suite, on va montrer l'autre d'abord. Allez-y, montrez l'autre là, montrez-moi ça là. Voilà, donc on avait cette pièce-là. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Alors, là, que, cette pièce-là, que c'est une pièce mécanique, c'est un support qui a été donc conçu pour relever un capteur qui nous sert dans la plateforme, un capteur qui sert à détecter le soleil, et il fallait le relever pour aller au-dessus des instruments qui occultaient son champ. Donc, classiquement, ben voilà, on aurait conçu une pièce de ce type-là. Alors, c'est en métal, évidemment. Ça, quel poids, ça? Ça fait pratiquement un petit kilo. Hein, un petit kilo. Donc, je peux la faire passer? Oui, vous pouvez la faire passer. Alors, je fais passer. Donc, c'était la pièce qui était prévue pour être embarquée sur le satellite, qui était donc ce qu'on appelle modèle de vol, qui a été déclassifié. Donc, c'est pour ça que vous pouvez la toucher. Et faire une démonstration... De quelque chose qui va révolutionner le domaine de la conception mécanique, c'est ce qu'on appelle la conception additive. Hein, c'est des imprimantes 3D. Fabrication additive. Fabrication additive. Et donc, on a confié à des bureaux d'études le soin d'imaginer ce que serait cette même pièce, donc qui vérifie les mêmes propriétés que celle-là, donc en tenue mécanique. Vous savez qu'un satellite va subir des stress pendant le lancement terrible. Donc, il y a des tenues mécaniques importantes. Donc cette pièce-là qui respecte exactement les contraintes, je vais la prendre. Les contraintes et les performances mécaniques de cette pièce métallique là qui pèse à peu près, on va dire, un kilo pour faire simple, donc a été conçue de manière additive, c'est-à-dire avec l'imprimante 3D. Alors ce sera fait avec un alliage, ce ne sera pas en plastique comme ici, ça a été fait avec un alliage, mais le gain de tout ça, c'est que la masse, si ça fait un kilo, la masse du support sera de 400 grammes. Donc, on a ce tube à l'origine. Tiens, je vais prendre Amaury. On a le tube là. Et donc, ce tube en métal qui fait environ 1 kg. Et on a celui-là qui va le remplacer et qui fait 600 grammes de moins. Hein. Oui, 600 grammes. Oui, c'est ça. Et comme vous pouvez le supposer... Alors, celui-là est en une sorte de plastique. Hein, bon, mais ça, évidemment, c'est fait avec une imprimante, c'est une imprimante de bureau, on va dire, imprimante 3D. La pièce réelle qui est embarquée et qui est installée sur satellite, c'est fait dans un alliage avec un autre procédé que le petit ruban de plastique qu'on fait fondre sur ça. Là, c'est de la poudre que l'on vient chauffer avec des lasers. Et donc, ça fait une pièce niveau par niveau, de quelques microns par niveau. Et voilà, on gagne donc un gain en masse, même si aujourd'hui, bon, la pièce coûte plus cher. Mais, la pièce coûte plus cher quand même. Voilà, parce que c'est un démonstrateur. Hein. C'est pour oui. nous, c'est la première fois que sur un satellite CNES, il y aura une pièce conçue par cette méthode de fabrication additive. Donc, sachant que voilà, sur un satellite, le poids est toujours un critère dimensionnant. Le poids au lancement, lancer un kilo en orbite basse, c'est à peu près 40 000 euros. On va dire. Un kilo, c'est 40 000 euros. Donc, au lancement. Le tube que vous avez entre les mains, madame, voilà, il coûte 40 000 euros quand on le voit dans l'espace. Voilà. Donc, c'est des techniques d'ingénieurs hein, qui sont très prometteuses et qui vont révolutionner bien des domaines. Et là, notamment, on est en train d'étudier ce qu'on appelle la structure du satellite, c'est-à-dire toute la carrosserie du satellite qui est là pour faire tenir les équipements entre eux. On est en train d'imaginer ce que serait une structure qui respecte les mêmes contraintes, les mêmes propriétés d'interface, les mêmes caractéristiques de tenue, mais réalisées en conception additive. Et on trouve des formes qui ressemblent à des formes organiques, hein, vous avez vu. Ça ressemble à des racines de palétuvier. On pourrait voir aussi une carcasse de poulet. Enfin, voilà. Donc, c'est la nature a optimisé à sa manière la mécanique de ces structures. Et là, on est en train de redécouvrir de manière informatique, hein, parce que c'est calculé par informatique, donc de trouver des formes qui respectent les mêmes propriétés tout en étant beaucoup plus faciles à réaliser et beaucoup moins chères à lancer. Alors pour l'instant, c'est des techniques qui coûtent assez cher à réaliser, mais on peut imaginer que si ça se répand, eh bien, ça deviendra la technique de base pour concevoir des pièces mécaniques. Ceci étant dit, d'après ce que vous me dites, quand même, le tube lui-même coûte 40 000 euros à envoyer dans l'espace et on va retirer quand même 60% de ce prix. Ouais. Alors pour Tarani, ça n'aura pas d'effet direct hein, pour le satellite en lui-même, parce que le prix de lancement a été négocié de manière globale. Ah oui, d'accord. Mais voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une démonstration en orbite. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects scientifiques, un satellite aussi permet d'embarquer des expériences, de démonstrations. Alors, on n'en a pas parlé, mais voilà, on ne va peut-être pas s'étendre, mais il y a deux autres manips expérimentales qui sont embarquées sur ce satellite pour profiter du fait qu'on a un satellite en orbite. Donc les équipes de recherche du CNES ou d'ailleurs proposent des petites choses, et si ce n'est pas encombrant, si ce n'est pas trop gênant, eh bien on les embarque. Voilà. Et c'est le cas pour cette chose-là, où ben, les équipes ont montré que la pièce là, que vous avez, donc en photo page 15, donc c'est la pièce qui va voler. Donc qui est faite, c'est la même que celle qu'on a vue. Hein. C'est la même celle en plastique là, voilà, qui circule. Mais là, elle est faite dans un alliage particulier, donc qui a été fondue par un rayon laser. Oui, d'accord. Voilà, donc ça sera embarqué parce qu'ils ont fait la preuve que c'était qualifié au vol, comme on dit. Alors, on va continuer à faire passer les pièces, hein, si vous voulez bien, pour que tout le monde puisse les voir. Alors, au moment de se quitter, parce que ça va bientôt être le moment de se quitter, je vais vous dire qu'on a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine. Oh, regardez, mais c'était spontané, mais c'est formidable. Je recommence. On va le faire encore plus fort. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine. Oh, non. Ouais, bravo, formidable. Vous êtes formidable. Et alors, on a déjà les thèmes, les mardis de l'espace, donc continue l'année prochaine. On va parler notamment de retour d'échantillons martiens. On va parler d'un CubeSat étonnant qui fait 20 kilos. C'est Angels. Angels qui va venir compléter le système Argos. Merci beaucoup, vous connaissez les balises Argos. Eh bien voilà, on va compléter le système Argos avec un petit satellite de 20 kilos qui s'appelle Angels et qui sera beaucoup plus léger que Gaïa. Gaïa qui, lui, a déjà fini sa mission, je crois. C'était un satellite de 2 tonnes. On en parlera aussi de Gaïa, un satellite d'astrométrie qui a cartographié des millions et des millions d'étoiles et de galaxies, bien sûr, en particulier surtout de galaxies, pour essayer d'avoir une vision 3D de l'univers. On parlera aussi des ondes gravitationnelles. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on a découvert, on a pour la première fois détecté des ondes gravitationnelles à l'occasion de la coalescence de deux trous noirs, c'est-à-dire la fusion de deux trous noirs. Donc pour la première fois, on voyait des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein 100 ans plus tôt. Et bien ça y est, maintenant, on est capable de les observer, ces ondes qui se produisent au moment où... des cataclysmes absolument gigantesques se produisent dans l'univers. On va parler de ça aussi l'année prochaine. Et puis aussi de Solar Orbiter, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne, qui doit partir en 2020 et qui va observer le Soleil. Donc énormément, énormément de sujets passionnants. Monsieur Pinson, vous vouliez dire un mot? Oui, parce que mon laboratoire fait partie du... fournit des instruments pour Solar Orbiter. Eh bien, on vous réinvitera. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouvera pour la première date. Ce sera le 15 octobre. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est toujours avec la même équipe. Donc, merci beaucoup de les applaudir, s'il vous plaît. C'est Raphaël au son. Il y a Xavier au piano, bien sûr. Xavier Ferrand, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. Merci beaucoup. Et alors, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui est là, présent, qui organise derrière. C'est Jean-Gabriel Parly du CNES. Merci beaucoup à toi, Jean-Gabriel. Merci à toi, Paul, pour encore cette belle année qu'on a passée avec toi. Et on se retrouve avec grand plaisir, tous ensemble, à la rentrée. Merci à tous. Et puis la dernière bonne nouvelle, c'est quand même le lancement de Taranis. C'est donc en mai 2020, hein, normalement, dans quasiment une année. Alors en fait, on a une fenêtre de 3 mois pour l'instant. Ah, 3 mois, d'accord, c'est bien. C'est entre mars et mai. Mars et mai, d'accord. Donc on a compris à quel point ces phénomènes, ces TLE, étaient absolument passionnants. Et jamais un instrument scientifique consacré à l'investigation sur les TLE n'avait été produit. Donc on espère vraiment avoir de la bonne et solide science. On va pouvoir discriminer entre différentes théories et savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ces nuages d'orage. On va vraiment faire avancer la connaissance. Il y aura des applications pratiques, hein, en matière de météo, en matière de climato, en matière de sécurité aérienne. Et tout ça, bah, c'est grâce à vous. Merci infiniment, Christophe Bastien-Thierry. Et vous, Jean-Louis Pinson, merci à vous. On se retrouve le 15 octobre. Merci beaucoup. Passez un excellent été. Et à tout bientôt, tout bientôt, parce que c'est dans pas longtemps. Merci beaucoup. Au revoir. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.